Pardon, si, qu'on parle pour qu'on ne soit pas distrait. Sachez, on sait très bien que quand on commence à se réunir autour de la parole comme ça, Satan peut susciter quelque chose par rapport au téléphone et que ça nous pousse à nous déconcentrer. N'est-ce pas? Non, mais si ça se vibre, ça va sonner là. Tu vas dire que, hey, qui a de m'appeler? Peut-être pour l'argent là. Peut-être il faut qu'il parle. Parce que il faut qu'on ait confiance au Seigneur de telle enseigne que, regardez, n'est-ce pas? Quand je suis à Douala, je suis en train de parler de la parole. Quel qu'en soit ce qui est en train de passer de côté, à côté, je ne sais plus rien. Parce qu'il y a souvent des gens à la maison qui parlent, je ne sais même pas que la personne était là. Parce qu'il faut qu'on soit totalement plongé dans ces choses-ci. Regardez quand il y a la Coupe du Monde, les gens sont en train de voir le match. Quand on coupe le courant, qu'est-ce que tout le monde dit? Oh! Parce qu'ils sont tellement plongés là-dedans. Ils ne voudraient pas qu'on perturbe. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il court vite pour aller voir le match. Même si vous avez les femmes qui voient la série. Or, voici, ce que nous avons ici, c'est la parole de vie. C'est-à-dire que les choses, pour nous corriger, pour que nous ayons la vie, pour que nous marchions d'après la parole de vie. Donc, à combien plus forte raison, on devrait se concentrer davantage. Donc, ne permettons pas que les portables nous distraient, n'est-ce pas, frère? Donc, merci de nous accueillir, merci de nous avoir accueillis au milieu de l'assemblée aujourd'hui. Donc, si ma mémoire est bonne et si j'ai bonne connaissance, Tuburu, c'est dans le Mayoré, dans le département du Mayoré, province du Nord. Donc, nous sommes contents d'être dans ce département, de découvrir notre pays à tous. Et nous sommes d'accord, c'est vraiment chaleureux. Et puis, nous avons vu beaucoup de verdure et beaucoup de calme. Et l'air est fraîche, pas notre air, les doigts là que nous respirons, qui sont pollués avec les usines là. Donc, c'est vraiment un endroit aussi où on peut quand même où on peut écouter de Dieu si on veut. C'est voici la condition climatique. Le cas que le frère va s'asseoir ici, moi, il pourrait m'asseoir au sol. Ok. Ok, merci. Donc la condition climatique, le calme qui a ici là, permet à ce qu'on écoute des dieux si on est disposé. Parce que quand j'ai vu les montagnes là-bas, dans mon cœur, dans la voiture, j'étais dit, oh Seigneur, j'étais en train de dire Seigneur, si je pouvais être dans cette zone-ci, où on se retire sur une montagne, où on est calme face à face avec le Créateur. À Douala, ce n'est pas possible. Il y a Makosa Passé, grâce des Kapala. Ponce Pilate, je pense que celle qui dit Ponce là, comment ça s'appelle Ponce, Lady Ponce, pas si on balance par là. Et les distractions, Satan fait ça pour nous distraire, le divertissement. Donc si vous permettez avec moi, tout ce qu'il sait faire, c'est me soumettre à ce qui y a ici dedans. D'accord, frère et soeur? Il dit, si vous permettez, tout ce que je sais faire, c'est me soumettre à ce qui est ici dedans. Et c'est ce qui est ici dedans qui nous jugera, a dit Jésus. Que si quelqu'un rejette cette parole, si il a son juge, c'est la parole qu'il a annoncé. Donc la parole est devant nous maintenant. On ne peut rien faire en dehors de cela. D'accord? Donc si vous êtes d'accord avec moi, on partage la parole. Comme ça, chacun a sa parole. N'est-ce pas? Donc prions donc avant de l'aborder. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. La seule chose qui soit sur la terre qui soit stable, Père, la face du monde change. La face des êtres humains change. Des modes viennent et passent. Des philosophies viennent et passent, mais ta parole demeure éternellement. Merci de nous avoir donné quelque chose de stable sur lequel nous pourrons compter. Père, nous sommes réunis autour de ta parole maintenant, Père, pour la partager. Daigne disposer la nourriture que tu avais pour nous aujourd'hui, pour chacun de nous, afin que tout ce qui avait sur le cœur qui n'était pas de toi soit nettoyé et que seule ta parole puisse être établie sur le cœur au nom de Jésus-Christ. Que nous sortions ici, rentrant chez nous, chacun en sa maison, parlant comme ces deux chrétiens d'Emmaüs qui disaient « Notre cœur ne vibrait-il pas au-dedans de nous ?» lorsqu'ils nous parlaient, qu'ils nous expliquaient les Écritures. Que nos cœurs, Seigneur, vibrent au son de ta parole. Bénis ta parole maintenant, Père, alors que nous l'écoutons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on peut commencer avec n'importe quel verset, mais comment on peut commencer. Wow, les frères continuent toujours à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'ils ont aussi la Bible. Ceux qui ont besoin de la Bible, il faut qu'on leur en donne. Voilà, celui-là, il a sa Bible. Non, assieds-toi, mon cher, assieds-toi. Assieds-toi. Non, tu ne peux pas te serrer comme ça. Assieds-toi ici, d'accord? Viens. Assieds-toi. Tu peux t'asseoir, ok. Viens, entre, va t'asseoir. Comme ça, tu vas voir. Entre, ne crains pas, mon frère. Entre. Donc, moi, c'est le frère Junior. Par la grâce de Dieu, je suis son serviteur. Donc, mais ne regardez pas trop au frère Junior ni à la personne qui est devant de vous. Je veux seulement que notre attention soit fixée sur ce qui sera dit. Qu'on fasse toute notre attention pour être fixé sur ce qui doit être dit dans la parole. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, gardons toute notre attention maintenant. Ne laissons pas quelque chose nous distraire là maintenant. Donc, soyez dans attentif à la parole. Prenons maintenant, commençons. Souvenez-vous, prenez attention, prêtez vraiment attention pour voir exactement comment ça se passe. Donc, prenons psaume 119. Prenons, commençons par là. Psaume 119. Vous pouvez aider quelqu'un à côté de vous de l'ouvrir. Psaume. Au moins, le psaume dans la Bible, c'est facile à ouvrir. Aidez le frère là à ouvrir. Oui, j'attends, il faut que les gens voient cela, il faut que les gens aient le verset devant. Le frère n'a pas encore ouvert. Psaume 119, je vais mettre ma Bible ici comme ça. C'est bon avec le psaume? Ça va, bébé? Ça va? Le Seigneur est en train de créer la soif sur la terre. Parce qu'il est, à l'œuvre. Il fait quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Donc, nous avons ouvert le psaume 119. On va lire un seul verset. Le verset 89. Le psaume 119. Ça dit quoi, mon frère? Psaume 119, le verset 89. Oui. Je lis pour la gloire de Dieu. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. Le psaume 119, le verset 89 dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. C'est la parole. Le frère, tu n'as pas la Bible, on t'en trouve. On peut t'en trouver. Frère, il faut aussi une Bible ici. Ou bien je donne ma Bible à moi. Tu pourras lire. Je donne ma Bible. Les enfants veulent aussi suivre la parole. Courage, d'accord. Je vais calmement parce que je vais être sûr que toute l'attention est focalisée sur la parole qu'on a fait, qu'on ne soit pas distrait. Je peux lui donner. Toi aussi tu en veux, n'est-ce pas? Ah ben oui, tu as ta Bible. Merci. Donc, ça veut dire que désormais, quelqu'un... Ok, tu as aussi ta Bible à toi. Voilà. Donc, dans ce psaume 119, la Bible déclare au verset 89 que « à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Alors, si la Bible dit que la parole de Dieu subsiste dans les cieux et c'est à toujours, ça suppose que ce qui est dans les cieux ne peut pas changer, ce n'est pas modifiable. On est d'accord? Il dit, je veux que vous suivez doucement, je vais aller vraiment doucement pour que vous compreniez là où le Seigneur peut nous entraîner ce soir-ci. La parole, on dit dans ce psaume 119, le verset 89, que à toujours, donc c'est définitif, pas vrai? À toujours, ta parole subsiste dans les cieux. Donc, ça veut dire que ça demeure là-bas. On est d'accord, n'est-ce pas? Vous me suivez, frère? Donc, la Bible déclare que à toujours, la parole de l'Éternel subsiste dans les cieux. Donc ça veut dire que la parole de Dieu au ciel n'est pas modifiable. Et Dieu l'avait dit autrement dans Ésaïe 55. Il dit que, dans Ésaïe 55, si vous lisez le verset 11, il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont éloignés au-dessus des cieux, de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. D'accord? Après, il va dire, tel comme ma parole ne peut pas sortir de moi, aller sans accomplir, c'est pourquoi c'est sorti. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ça veut dire que si la parole de Dieu sort du ciel, sur la terre, ça va être la même chose. On se comprend jusque-là? Je ne sais pas si les gens... Vous m'écoutez ici, mesdames, là. Vous entendez ce qu'il dit? La Bible qu'on a lue, là, dit que la parole de Dieu subsiste dans les cieux. Nous ne sommes pas sur la terre, là. Nous sommes dans les... Si on donne un renseignement sur la parole qui est dans les cieux. Donc, la parole de Dieu dans les cieux subsiste pour toujours. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller changer quelque chose là-bas. Par exemple, voici mon livre que j'ai entre mes mains. Je peux déchirer ceci et jette. Est-ce que ça peut annuler la parole de Dieu? S'il prend ça, je brûle. Est-ce que je peux annuler la parole de Dieu? Si on ramasse toutes les Bibles qui sont sur la terre, si on brûle entièrement, est-ce que ça peut annuler ce qui est en haut? Donc, chaque fois donc, que Dieu va vouloir parler quelque chose sur la terre, il va parler d'après sa parole qu'il nous a donnée. Vous savez ici? Il dit bien, chaque fois quand Dieu va vouloir parler quelque chose sur la terre, il va parler d'après sa parole. Voici donc pourquoi Dieu nous a donné la Bible. Pour que on ne nous bouge pas. C'est-à-dire que, mais voici devant vous, n'est-ce pas? Si je vous dis un renseignement sur Dieu, la seule façon pour que ça soit vrai, c'est que la Bible la confirme. Vous me saisissez? Donc, la Bible, donc, est le moyen sur la terre que Dieu a donné aux hommes pour qu'on connaisse sa volonté parfaite. C'est ici, n'est-ce pas? La Bible, telle que vous avez entre vos mains. Si on veut connaître n'importe quoi de façon parfaite de Dieu, vous dites, si vous avez le champ, vous pouvez voir les perfections invisibles de Dieu sur le champ, n'est-ce pas? Mais ces perfections que vous voyez là ne vous donnent pas le renseignement sur le passé, le présent et l'œuvre future du Seigneur. On est d'accord? Mais quand j'ouvre la Bible, je vois la Genèse. Genèse, ça veut dire commencement. Ça nous raconte comment Dieu a créé les hommes, les semences et ainsi de suite. Ça nous raconte, pas vrai? Ça nous raconte pourquoi les hommes meurent. Ça nous raconte comment Dieu a amené la solution au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous raconte maintenant comment Dieu va, ce que Dieu va faire plus tard. Donc la Bible est complète. Ça parle du passé, du présent et du futur que Dieu va faire. On est d'accord? C'est donc pour cela que je suis en train de dire, la parole de Dieu ne peut pas être modifiée. C'est frère. Si la parole ne peut pas être modifiée, ça suppose que les gouvernements peuvent changer. Les gens sont venus, ils sont morts. C'est la même parole que les apôtres ont prêché, qui se trouve ici. C'est la même parole que vous avez là. Que les... Quand vous lisez Somme de David, on a lu là, c'est Somme de David. Depuis que David a écrit, il est mort, enterré, pourri dans la terre. La même parole subsiste. C'est, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire quoi? Si moi je vais vous parler de Dieu, ou un pasteur veut vous parler de Dieu, il ne doit pas parler de Dieu par connaissance livresque. C'est-à-dire que parce qu'il a étudié quelque part, il doit connaître, il va parler parce qu'il connaît ce Dieu de la Bible. Il a un contact avec lui. C'est frère. Ok. Alors, Dieu donc a fait demeurer sa parole à jamais dans le ciel. Parce que la parole de Dieu et Dieu forment une seule personne. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Comme Dieu ne peut pas changer, ainsi en est-il de sa parole. C'est-à-dire que Dieu a dit, si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous mourrez dans vos péchés. Il n'y a pas deux façons d'être sauvé. C'est par le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il l'a déjà dit. Vous savez? Donc après ça, quoi que je vais poser des questions, je vais vous donner la latitude de poser des questions pour que je sois sûr que ce que je suis en train de dire, on reçoit. Donc sentez-vous libre à tout moment de m'interrompre et de poser des questions. C'est pour ça que je vais doucement. D'accord, mes frères? Donc je vais avancer. Je suis en train d'avancer quelque part. J'ai commencé avec Psaume 119, verset 89 pour vous montrer que on ne peut pas modifier la parole de Dieu parce que d'abord, c'est d'abord établi dans les cieux. Donc Dieu a un livre dans les cieux que c'est ouvert comme ça. Quand vous avez ouvert les vôtres, tout ce qui est écrit ici en bas sur la terre se trouve en haut comme ça. C'est ici, n'est-ce pas? Ok. Alors, Dieu a donc donné à l'humanité le livre. Le premier histoire de ce livre-là, c'est avec Moïse, où il a amené Moïse sur la montagne pour lui donner les rouleaux, les 10 commandements. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'appeler Moïse sur la montagne et lui donner les 10 commandements pour que l'homme observe ça. Donc Dieu voulait inviter les hommes à être attentifs à ses œuvres, à voir qu'il a les limites qu'il a fixées, les interdits qu'il a assignés à l'homme sur la terre. Il a donc donné sa parole. C'est les 5 premiers livres. Moïse a écrit donc les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les 5 premiers livres. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Alors quand Dieu a fait cela, il veut par là dire quoi aux hommes? Il veut que les hommes connaissent ce que lui il veut en donnant le livre. S'il avait seulement dit à Moïse de bouche à oreille et que Moïse était mort, on n'aurait pas ça aujourd'hui, pas vrai? Dieu a mis ça par écrit pour qu'on transmette ça de génération en génération. En effet, si vous lisez Deutéronome chapitre 6, les 11 premiers versets, il dit que lorsque tu sortiras de ce lieu-ci et que tu entreras dans le pays que l'Éternel te donnera, tu vas inculquer ces choses à tes enfants. Tu les écriras sur les poteaux. Juste entré dans la chambre, vous avez écrit Philippiens chapitre 4, verset 13. Oui, n'est-ce pas, en anglais. C'est ce que Dieu disait que les Juifs devaient faire. Pour que chaque fois qu'on voit cela, en entrant à la maison, on voit la lecture, on lit et que ça cale. Donc Dieu voudrait que sa parole soit écrite pour qu'on puisse lire de façon de génération en génération. C'est pour cela que la Bible-ci nous est parvenue. S'il n'y avait pas cette Bible-ci, ni toi, ni moi, on n'a pas accès à quoi que ce soit de le passé. Mais c'est ici, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand Dieu a donné le premier rouleau, le premier livre à Moïse, donc j'ai cité les 5 premiers livres de Moïse, il a donné un ordre. Et je veux qu'on voit cet ordre-là, d'accord? Il veut que toi et moi, nous allons dans la Bible, on voit donc l'ordre que Dieu a donné à Moïse quand il a donné le livre. Ouvrons Deutéronome. Deutéronome, c'est le cinquième livre. Donc, vous allez du début de votre Bible, vous allez rapidement là. Deutéronome. C'est loin là-bas, mon cher frère. Commence là-bas. Voilà, tu vas voir Deutéronome quelque part là-bas. Deutéronome, le chapitre 4. Tu as trouvé Deutéronome? Tu as trouvé, mon cher? Attends, avance. Non, tu es trop loin là. C'est ici. Voilà Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 4. Donc, regardez bien la façon qu'on a. Le verset 2 seulement qu'on va lire. Le verset 2 du Deutéronome, chapitre 4. Si vous trouvez, je ne sais pas ce que tu as trouvé. Tu as trouvé, mon frère? Tu peux lire pour nous. Deutéronome, chapitre 4, verset 2. Le verset 2. Deutéronome, chapitre 4, le verset 2. Oui. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Oui. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous ai prescrit. Amen. Donc, si vous observez très bien, le premier livre, c'est Genèse. Le dernier livre que Dieu a donné à Moïse, que Moïse lui-même a écrit, c'est Deutéronome. Quand il finit de lui donner le cinquième livre, il lui dit, mais faites attention, vous n'y ajouterez rien, vous n'y retrancherez, vous allez observer mes commandements. Donc Dieu met en garde pour que quelqu'un ne modifie pas ce qu'il a dit. Donc tel qu'il a dit, ça doit être comme ça. Souvenez-vous de là où on a commencé. Psaume 119, verset 49, a toujours ta parole, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Quand ça quitte du ciel sur la terre, il s'attend à ce qu'on observe tel qu'il l'a donné. Vous comprenez, frères et sœurs? Il a dit là-bas, il dit que vous n'y ajouterez rien, vous n'y retrancherez rien. Deux choses que Dieu est en train de demander. Je s'en ai parlé de façon élémentaire parce que quand il avait touché les profondeurs tout à l'heure, là, c'est important qu'on comprenne ceci. Dieu a donné sa parole depuis les cieux aux hommes sur la terre. Il a donné l'ordre qu'on n'ajoute rien. On ne retranche rien. Donc s'il y a n'importe quoi qu'on fait ou qu'on nous sommes en train de faire et que ça ne se retrouve pas dans la Bible, on a ajouté ou on n'a pas ajouté. Ah, je ne sais pas si c'est à moi ce que je viens de parler. Je vous pose la question. Je dis ici, n'est-ce pas? Dieu dit là à Moïse qu'on ajoute, on ne retranche. Donc Dieu s'attend à ce qu'il a dit. Il a dit que tu ne tueras point. Quand il regarde sur la terre, qu'on ne tue point. C'est ce qu'il a dit. On est d'accord? Alors si donc Dieu vient dire quelque chose et qu'une personne vient d'observer une autre chose, est-ce qu'il a fait ce que Dieu a dit? C'est ça que je viens de dire. On va aller doucement, doucement. D'accord? Donc c'est la parole de l'Éternel. Ça, c'est les cinq premiers livres. On va donc voir que plus tard, Dieu va encore réitérer la même chose. Ouvrons le livre des Proverbes. Proverbes. C'est toujours après le psaume, là. Vous avez ouvert Proverbes. Proverbes, c'est toujours après le psaume. Proverbes, chapitre 30. Proverbes, le chapitre 30. Vous aurez. Que Dieu vous bénisse vraiment. Souvenez-vous de ceci. Lorsque nous sommes assis ici comme ça, nous tous, nous sommes les créatures du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous tous. Et il nous aime tous. Le Seigneur nous aime tous. Proverbe. Donc, Proverbe, c'est après le psaume. Proverbe, c'est après le psaume. D'accord? Chapitre 30. J'avance chaque fois. Il va falloir que je rentre chaque fois pour vous dire là, on a recommencé. Le premier chose qu'on a mis ici sur la table, c'est psaume 119, le verset 89. Dieu nous a dit que sa parole est déjà réglée en haut. Donc c'est fixe. On est d'accord? Et on a vu que quand il donne sa volonté sur la terre, ça doit s'accomplir. Il a dit à Moïse que dans ce Deutéronome chapitre 4, verset 2, qu'on n'y ajoute rien, qu'on ne retranche rien. Donc c'est Dieu qui a donné. Souvenez-vous de la personne qui a parlé. C'est la personne qui t'a créé. C'est la personne qui a créé tout ce qu'on voit. Donc s'il dit qu'on n'ajoute rien, qu'on ne retranche rien, il s'attend à ce que ça soit exécuté ainsi. On est d'accord, n'est-ce pas? Jésus dit. Au milieu de la Bible, on en a parlé encore. Je vais avancer jusqu'à ce qu'on va toucher le Nouveau Testament. Quand on va toucher le Nouveau Testament, je vais y rester et on va commenter maintenant. D'accord? Proverbe chapitre 30, les versets 5 et 6. Proverbe chapitre 30, les versets 5 et 6. Quand vous m'avez occupé la main maintenant, ça veut dire que c'est à vous de lire. Oui, lis, mon cher. C'est le pouvoir de Dieu. Toute parole de Dieu est éprouvée. Oui. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Oui. n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Merci, frère. Toute parole de Dieu, de l'Éternel, est éprouvée. Après, en bas, il dit, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne. On commence à avancer. On a ajouté aujourd'hui, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 2, il n'a pas dit ce qu'il devait faire, si quelqu'un y fait. Vous remarquez, n'est-ce pas? Il a seulement dit là-bas, n'ajoute rien, vous n'y ajouterez rien, vous n'y retrancherez rien. Ici, il précise quelque chose. Il dit, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne, que tu ne sois trouvé menteur. Et le Nouveau Testament dont nous explique où les menteurs vont se réfugier à la fin. Dans cet Apocalypse chapitre 21, verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça commence à nous mettre en garde pour qu'on n'ajoute rien à la parole de Dieu, qu'on n'en retranche rien. Est-ce que c'est ici? Dieu en train de nous dire dans ce proverbe chapitre 30 que si tu ajoutes quelque chose à la parole de Dieu, forcément tu vas mentir. Parce qu'il dit, n'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te répète, que tu ne sois trouvé menteur. Parce que tu auras dit quelque chose que Dieu n'a pas dit. Dans ce cas, tu es un menteur. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu dit clairement dans sa parole que les serviteurs de Dieu doivent dire la parole de Dieu. Donc ici, Dieu nous fait comprendre qu'en réalité, si quelqu'un ajoute quelque chose à la parole, c'est du mensonge. Donc, c'est pour ça que Dieu va l'appeler comme étant un menteur. Parce qu'il a ajouté quelque chose que Dieu n'a pas dit. C'est pas maman. Ok. Alors, si Dieu dit de peur qu'il ne te reprenne, ça suppose qu'il y a une sanction pour tous ceux qui vont ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Ou bien y retrancher. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Il dit que Dieu dit ici, dans ce proverbe chapitre 30, verset 6, il dit n'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te reprenne. Donc Dieu n'appréciera pas quelqu'un qui a ajouté quelque chose à sa parole. C'est ça, non? Parce que si on te reprend, ça suppose que tu as fait quelque chose de mauvais. Il dit de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Donc la discussion est claire. Dieu va sanctionner toute personne qui aura ajouté à sa parole. Parce que c'est du mensonge. Parce que si Dieu voudrait mettre quelque chose, tout ce qu'il a voulu qu'on sache de lui est déjà écrit. Il s'attend à ce qu'on obéit tel que c'est écrit là. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Avançons dans le Nouveau Testament maintenant. On y va. Prenons Romains au chapitre 4. Romains. Non, dans le Nouveau Testament. Romains. Romains chapitre 4. Disons le verset maintenant. Vous avez trouvé Romains, je vous donne le verset. Le chapitre 4. Le verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 3 de Romains 4. Tu veux lire, frère, oui? C'est la voix de Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Oui. Et cela lui fut imputé à justice. Amen. Abraham crut à Dieu parce que Dieu a donné une parole. Dieu a donné une parole à Abraham. Abraham a cru à ses paroles. Lorsque Abraham a retenu la parole telle que Dieu l'a donnée, cela a été imputé à justice. Donc Dieu aime ceux qui croient à sa parole telle qu'il a donnée. Je veux qu'on se comprenne. Quand Dieu a rencontré Abraham, il a dit que je te ferai une père d'une grande nation. De toi sortira des princes. Et il n'a pas commencé à raisonner que moi qui n'enfante pas. Il n'a pas raisonné. Il a cru comme Dieu a dit. Et la Bible déclare, cela lui fut imputé à justice. Donc Dieu s'attend à ce que tout ce qui vient à lui prenne sa parole telle qu'il a donnée. Donc il faut prendre Dieu au mot. Dieu dit une chose, on s'en tient là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, quand Dieu dit quelque chose, ça veut dire qu'il a fixé les limites à tout ce que nous devons faire le concernant. Et ces limites-là sont fixées d'après la parole. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu. Dieu s'est manifesté dans une chair humaine. Quand il est venu, lui-même, il s'est soumis à sa propre parole. Il n'est pas allé au-delà. Il n'a pas retiré quelque chose ni ajouté quoi que ce soit. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Maintenant, je suis en train de vous amener doucement seulement pour qu'on entre là-dedans. Le jour que le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau et que l'Esprit est venu sur lui, il a été conduit au désert pour être tenté. On est d'accord? Satan est venu. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, écoutez très bien, transforme ces... Vous avez vu, n'est-ce pas? Ces pièces en pain. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il dit, si tu es Fils de Dieu. Jésus a répondu par quoi? Je ne le fais pas. Est-ce qu'il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit quoi? Jésus a dit que je ne fais pas. Il recommence. Je veux qu'on me dise ce que Jésus a dit. Regarde, voici Satan ici. voici Jésus ici. Satan est en train de le tenter. D'accord? Satan est en train de tenter Jésus. Tu dis que tu es fils de Dieu, non? Fais ceci. Jésus a dit que non, Satan ne fait pas. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Jésus a sorti de sa bouche? Il est écrit. Il est écrit. Quand Jésus dit il est écrit, il veut dire par là que la seule façon de se défendre de Satan, c'est par la parole. C'est ce qu'il vient de dire. Jésus vient de montrer un exemple clair que la seule façon, la seule, de se défendre de Satan, c'est défendre contre Satan. Quand Satan t'attaque, la seule façon de se défendre, c'est par la, la parole. Il est écrit. Jésus n'a pas mis le pour que tu tentes qu'il n'a. Il n'a pas fait ça. Il s'est tenu là. Satan a balancé quelque chose. Il a balancé quelque. Donc, mais tourne-toi maintenant vers quelqu'un. Dis, tu as intérêt à connaître la parole de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi. Dis, tu as intérêt à connaître la parole de Dieu. Regarde quelqu'un à côté de toi. Regarde quelqu'un à gauche et à droite. Dis, tu as intérêt. Sinon, Satan va te finir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la Bible déclare à Osée que mon peuple périt faute de connaissance? L'une des choses que Satan fait, c'est que les gens ne lisent pas la parole. Quand tu parles la Bible, tu dis, Dieu va comprendre. Il ne comprendra pas. Parce qu'il a déjà donné la parole. Il a dit qu'on prend la parole comme bouclier. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure là. Il dit qu'il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui son refuge. Est-ce que vous comprenez? Dans Proverbe chapitre 3 et chapitre 4, il dit que si tu dis à la parole, tu es ma sœur, si tu la sers dans ton cœur, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Tu ne redouteras aucune crainte, aucune attaque de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a poussé la parole de côté. On est allé voir les pasteurs pour qu'ils nous donnent l'eau d'onction. Quand tu dors, tu comme ça. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que Dieu n'a pas dit qu'on se défend avec l'eau. Il a dit ça avec la part. La parole. Jésus ne s'est pas baissé là-bas dans le désert pour prendre le caillou là que Satan avait été tué avec le caillou aussi là. Non. Il a dit, il était écrit. Donc, Jésus, par cet acte-là, nous montre que la seule façon de se défendre contre Satan, c'est au travers de la parole. En effet, dans Éphésiens chapitre 6, il a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Il a cité les armes. Après, il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit. Qui est quoi? La parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire que si tu prends l'épée physique, tu ne peux pas couper Satan. Mais si tu balances la parole, ça va le couper. C'est ce que Dieu dit. Alors donc, Satan a donc intérêt à ce que les gens, un, tordent sa parole. Deux, ajoutent à sa parole. Parce que s'ils ajoutent à sa parole, cette parole ne peut plus être efficace parce que Dieu ne l'a pas dite. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, regardez ce que quand Jésus, notre Seigneur, va ouvrir la bouche, il va dire, il est écrit, il n'a pas dit sa parole. Il va dire ce que Dieu lui, il a dit. Parce que c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui défend les gens. Il n'a pas ajouté quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez dans Deutéronome, Deutéronome disait que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan est venu vers Jésus, dit que okay, comme tu as faim là, tu as gêné, tu as faim. Dis quelque chose, que le caillou se transforme en pain. Tu manges, non? Est-ce que Jésus ne pouvait pas faire ça? Jésus ne pouvait faire, pas vrai? Mais comme c'est Satan qui veut qu'il fasse, il n'est pas là pour accomplir les désirs de Satan. Vous savez? Il a dit que Satan, Deutéronome, nous dit que on ne doit pas vivre seulement du pain. Donc même si je ne mange pas le pain aujourd'hui, je ne vais pas mourir. Mais ce qui peut me vivre, faire vivre éternellement, c'est toute la parole de Dieu. Mais je veux que vous voyez que Jésus a utilisé la parole contre Satan. Est-ce que vous comprenez? Satan aussi a compris que si je n'entre pas dans la Bible pour tordre le gars, si lui, il va me laisser. Il a dit que Satan dit, il est aussi écrit. Il dit, ok, comme tu es trop fort là, saute ici, tu tombes là-dedans, je vois comment on va t'arrêter. C'est le tentateur, on l'appelle le tentateur. Saute-tu dedans, parce qu'il est écrit à ton sujet que il enverra ses anges. Ce que je suis en train de citer, ça se trouve dans Matthieu chapitre 4. Il enverra ses anges pour qu'ils te portent sur les mains. Et effectivement, c'est écrit comme ça dans Psaume 91. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan donc, prend la parole, la tord pour enlever les gens, pour désarmer les gens qui ont la parole. Satan est entré dans la parole. Donc, c'est pour vous dire ceci. Ne croyez pas que vous lisez la Bible seul. Satan lit la Bible chaque jour pour savoir ce qu'il va, comment il va tenter. C'est. Mais les chrétiens, même les pasteurs, eux-mêmes ne lisent pas la Bible comme Satan. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît lettre après lettre de Genèse, Apocalypse, c'est Satan qui connaît. Alors, il a dit à Jésus quelque chose parce qu'il est écrit à ton sujet. Il savait même que quand il lisait l'écriture chez lui comme ça, il savait que c'est de Jésus qu'on parlait. Il dit parce qu'il est écrit à ton sujet. Vous voyez, Jésus-Christ s'est tourné encore vers lui. Il dit, il est aussi écrit. Donc c'était toujours parole contre parole. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi est-ce que je prends tous ces exemples? C'est pour vous dire, un, la parole de Dieu est parfaite. Deux, c'est l'arme fatale que Dieu a donnée aux hommes contre Satan. On n'a pas besoin de tordre ça. On ne doit rien y ajouter. À l'instant où tu as ajouté quelque chose sur la parole de Dieu, tu te trouves du côté de Satan. À l'instant où tu as ajouté quelque chose, où tu fais quelque chose pour Dieu, n'étant pas dans la parole, tu te trouves sur le territoire de Satan. Que tu sois conscient, que tu l'acceptes ou non. C'est ce que Dieu a dit tout à l'heure. Il n'ajoute rien de peur qu'il ne te reprenne. Donc, quand tu as ajouté quelque chose, il va te reprendre. Quelque chose qui a été ajouté, il va te reprendre. Et il dit la conclusion de cette reprise-là, c'est que tu es menteur. Et si tu es menteur, ton père, c'est qui? Le diable, parce qu'il dit que Satan, c'est le menteur en chef. Donc, c'est Satan qui ajoute à la parole. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Allons donc dans le dernier livre de la Bible. Le dernier. Apocalypse, chapitre 22. Donc, quand le décor est planté, maintenant, comme ça, il peut prêcher. Quand c'est le décor, il s'agit de mettre les petits pilons. Pourquoi? Ça nous fait le garde-fou, d'accord? Mais il peut parler de ce qu'il veut parler maintenant. Apocalypse, chapitre 22. Donc, c'est le dernier livre et c'est le dernier chapitre, d'accord? Apocalypse, chapitre 22. C'est le dernier. Donc, là, on ne peut même pas aller confondre avec le psaume. Donc, merci d'être attentif à la parole du Seigneur comme ça, qu'il vous bénisse, selon ses grâces. Le verset 18 et 19. Les versets 18 et 19, qu'est-ce que ça dit? Qui va lire alors? Tu veux lire? Ok, lis donc, mon frère. 19. 18 d'abord. Okay. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Oui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux d'esprit décrits dans ce livre. Oui. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Amen. Merci mon cher. Vous avez vu les conséquences. Ça, c'est la conclusion du livre. Souvenez-vous quand on a vu l'autre livre d'un Deutéronome, on avait vu ça. On a lu dans Proverbe chapitre 30, verset 6, on a vu ça. À la fin encore, Dieu dit ça. Donc Dieu dit ça trois fois pour dire qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retraire. Ça suppose que ça lui tient à cœur. On est d'accord, n'est-ce pas? Ici, il est encore un peu plus clair. Il dit que si quelqu'un retranche, Dieu va retrancher sa part. Si quelqu'un ajoute, il va le frapper des fléaux. Donc le fléau que tu as vu dans la Bible là-bas, ça sera la sentence des gens qui ont ajouté quelque chose à la Bible. J'ai craint seulement en entendant ceci. Peut-être vous ne voyez pas la gravité de la chose. Lorsque je vais commencer à prendre les exemples pratiques, il dit bien, quand je vais commencer à prendre les exemples pratiques, vous allez comprendre la gravité de la chose. Que des gens sont dehors, ils croient qu'ils servent Dieu, alors qu'ils sont totalement du côté de Satan. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous restituions toutes choses, nous revenons à la parole telle qu'il l'a donnée. D'accord, mes frères? Donc Dieu a dit là-bas que si quelqu'un retranche quelque chose, il va retrancher sa part. Si quelqu'un ajoute, il va le frapper des fléaux. C'est Dieu qui en a parlé là. Et c'est dans le Nouveau Testament. Parce que les gens disent que non, c'est dans le temps de Moïse que Dieu frappait. C'est le dernier livre de la Bible là-bas, n'est-ce pas? Et c'est le Nouveau Testament. Pas vrai? Il dit Dieu va frapper avec les fléaux qui sont décrits dans ce livre. C'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas, frère? Alors, où est-ce que ceci, laissez mise en garde, qu'on ne doit pas ajouter la parole de Dieu, où est-ce que ça nous conduit? Ça nous conduit donc à vérifier la manière dont on sert Dieu depuis. Ça nous conduit à vérifier la manière dont on sert Dieu depuis. Si on servait à la manière de Dieu, Dieu est avec nous et nous sommes avec Dieu. S'il y a quelque chose où nous avons franchi notre pas en ajoutant quelque chose depuis que nous le servons, on croyait être avec lui, mais nous sommes du côté de Satan. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est ce qui ressort de cette petite introduction. Donc, le but pour lequel nous avons mis ceci, c'est pour tester donc ceci. Est-ce que depuis que je dis que je suis chrétien, souvenez-vous de ceci, tu peux dire que je suis une fille. Quand même tu vas ouvrir les yeux, tu es un garçon, tu ne peux pas changer quoi que ce soit. On est d'accord? Donc, tu peux dire que tu es chrétien, tu te convaincs. Tu dis que je suis chrétien, Dieu me connaît, Dieu est mon père. Mais est-ce que lui, il a dit que tu es mon fils? Là est la question. On est d'accord, n'est-ce pas? La seule façon de savoir, c'est un père obéissant. Un père, bon père, donne des ordres à son enfant qui lui obéit à ses ordres. C'est que si je dis que c'est son enfant, je suis censé obéir à ses paroles. Alors, ça veut dire qu'il faut que je me confronte maintenant, je confronte ma vie spirituelle à la parole de Dieu maintenant et vérifier si j'ai toujours été obéissant. Si c'est non, je suis un enfant rebelle. Il faut seulement que je fasse quoi? Je me repens et retourne à l'ordre. Amen. Ok, maintenant. Comme vous avez les bics, je vais parler au fur et à mesure que la parole va sortir. Si les versets donnent, viennent, je vais vous les donner, d'accord? Je vais donc vous raconter donc les histoires de la Bible progressivement et doucement pour que vous voyez quelque chose. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il avait dans sa pensée un objectif. Présenter à son fils une épouse sans tache ni ride. Cette épouse-là, on l'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Cette épouse-là, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Il dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, quand, dans ses pensées, il y avait ça, dans son plan, il y avait cela. Au fur et à mesure que vous allez lire la Bible, tout ce qu'il va dire, c'est pour montrer les images de cette réalité que Dieu veut concevoir plus tard. D'accord? Si vous lisez par exemple le livre d'Éphésiens chapitre 1, les versets 7 à 10, puis, comme vous avez noté, donc, je suis obligé d'aller vraiment doucement là maintenant, parce que sinon je vais bombarder. Donc, si vous lisez Éphésiens chapitre 1, ce qu'il veut citer là, ça se trouve dans Éphésiens chapitre 1, les versets 7 à 10, dans 1 Corinthiens. On n'a pas lu, seulement cité. Comme vous avez noté, vous pouvez vérifier. Pendant qu'on a parlé, vous pouvez vérifier. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 12 à 16, ça se trouve également là-bas. D'accord? Et si vous lisez aussi Éphésiens, je ne sais pas si je vais vite. Si vous lisez aussi Éphésiens chapitre 2, le verset 10, c'est écrit également là-bas. Dans Éphésiens, donc, au chapitre 2, verset 10, le dernier qui est cité, la Bible déclare que car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, dans ces Colossiens 1 Corinthiens 2 que nous a donné, verset 12, la Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qui n'est jamais montées dans le cœur des hommes, les choses que Dieu avait conçues en lui-même et qui nous a données par sa grâce. Donc Dieu avait un plan que au temps des apôtres, il a commencé à révéler la chose. D'accord? Donc, et ce plan-là, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ était sur la terre, il a marché en Galilée, marché partout, prêchant la bonne nouvelle. On ne sait pas pourquoi il était là. Dans Matthieu chapitre 16, il s'arrête au verset 17. Il pose la question, que dit-on que je suis? Les uns ont dit que non. Peut-être que Jean-Baptiste qu'on a refusé. Tu es l'un des anciens prophètes. Il a dit, vous mes disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous dites que je suis quoi? Pierre a dit, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Il a dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas par une école théologique que tu as obtenu cette information. C'est ce qu'il voulait dire par chair et sang. Ce n'est pas un être humain qui t'a fait ça. On n'a pas appris cela dans une école. Il a dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et il a dit que, et comme tu as reçu la révélation de cette façon, tu es Pierre et sur cette pierre, la révélation, pas la personne, la révélation, la façon d'obtenir la révélation, la façon d'obtenir la révélation. Comme tu as la révélation de la personne que je suis, c'est sur cette révélation qu'est bâtie l'Église. Donc l'Église est bâtie sur la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est. Alors il a demandé, tu es Pierre, c'est que je bâtirai mon Église. Écoutez bien les mots de Jésus. J'ai. Qui parle? Jésus, pas vrai? Bâtirai. Qui va travailler? Jésus. Mon. C'est pour qui? Jésus. Église. Donc, c'est Jésus qui fait l'action pour construire une église qui lui appartient. Alors, on commence à voir des problèmes là, ici, là, maintenant. Quelqu'un dit donc, sors de mon. Vous entendez, les êtres humains disent que sors de mon. Vous comprenez que ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Jésus, parce que Jésus a dit c'est lui qui bâtit son église. Alors, quand Jésus a dit je bâtirai mon église, après, est-ce qu'on a vu quelque part il allait acheter un terrain pour mettre les papes? Je recommence encore pour vous saisir bien. Souvenez-vous de tout ce qu'on a vu dans le départ par rapport à la parole de Dieu qui ne peut pas être changé. J'ai seulement mis les fondations pour nous construire quelque part. D'accord? Alors Jésus a dit je bâtirai mon église. Il n'a pas seulement dit ça. Il a dit et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc ça veut dire que Satan, malgré sa puissance de l'enfer, ne peut pas faire quelque chose contre son église. On est d'accord? Vous êtes avec moi toujours? Ok. Alors, Jésus-Christ dit église. Il dit je bâtirai. Quand on dit je bâtirai, bâti a le sens de construction. Il dit église. On a comme l'impression qu'il y a un édifice, un grand bâtiment qui va bâtir. On est d'accord, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que je bâtirai. Si tu dis je vais bâtir ma maison, ça veut dire que tu vas faire, tu vas certainement faire prendre soit en planche, soit en papier, soit en terre, ainsi de suite, pas vrai? Mais Jésus a dit qu'il va bâtir son église. Il faut qu'on comprenne ces paroles aussi pour avancer. Alors il faut qu'on réponde à la question, c'est quoi l'église? C'est la prochaine chose qu'on va voir maintenant. C'est quoi l'église? Si on comprend c'est quoi l'église, il faut qu'on comprenne comment donc l'église est bâtie. Et puis on va vérifier maintenant avec nous si c'est de cette façon-là que nous fonctionnons. Si c'est pas de cette façon, on a ajouté ou on n'a pas ajouté. Dans ce cas, on est des bandits ou pas des bandits. Dans ce cas, on est des bandits ou on n'est pas des bandits. Et on finira où? En enfer. On est d'accord? Si vous avez peur, vous fermez la Bible. Je ne parle plus. Si vous voulez qu'on continue, on continue seulement à observer. Je vous ai dit que je ne sais parler qu'au travers de ceci. Donc je vais vous les présenter comme ça, comme le miroir. D'accord? Comme ça, on chemine doucement. Donc répondons à la question. J'ai dit, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, que tu es Pierre, et je suis Pierre, je bâtirai mon. Donc c'est son église et c'est lui qui bâtit. Et il a dit que personne, même pas Satan, ne peut pas vaincre cette église-là. Vous y êtes? Donc ça commence, il faut qu'on cherche à savoir ce que c'est que l'église dont Jésus-Christ parle. On va répondre à cette question-là maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. On répond à la question, c'est quoi dans l'église? Ok. Je n'ai pas donné aucune définition. On va toujours rester dans la Bible pour que la Bible nous donne la définition de l'église. On y va? Ok. Donc, c'est quoi dans l'église? Prenons deux versets et lisons et comprenons ce que la Bible appelle par église. C'est la Bible qui va nous donner la définition. Je n'ai pas allé ouvrir un dictionnaire pour regarder que l'église, ça veut dire quoi? C'est la Bible qui va nous définir ce que c'est. On est d'accord, non? Éphésiens. Merci Père, merci pour ce que tu viens de faire en ce temps. Merci Père. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire, si vous êtes dans Éphésiens chapitre 5, cette fois-ci il faut qu'on lise. Je vous ai dit, les deux versets que nous allons lire vont donner la définition de l'église, d'accord? En fait, même un verset seulement suffit. Un passage parmi lesquels je vais donner là maintenant. Donc, Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire les versets 22 à 33, d'accord? Notez aussi Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 18. Si tu es dans la page, regarde, comme toi et celui-ci ont la même Bible, tu donnes directement le numéro là, qui est là-bas là. Ah ben merci frère, merci pour cela. Donc tu donnes comme ça, il ouvre rapidement, pourquoi on n'est pas... Ah. D'accord? Mais souvenez-vous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne regardez pas ici. Suivez seulement ce qui est sorti au travers de la parole, d'accord? C'est au travers de la parole qu'il faut regarder votre Bible. Donc j'ai dit premier passage, Éphésiens chapitre 5. Verset 22, on va lire le verset 22 jusqu'au verset 33. Et puis, j'ai donné le deuxième passage, Colossiens, je veux que vous les notiez. Colossiens chapitre 1, on va lire le verset 18, d'accord? Ok, commençons le premier passage, frère. Éphésiens 5, verset 22 à 33. Verset 22 à 33, je lis pour la gloire de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Stoppons d'abord là-bas. Vous avez la façon que la Saint-Esprit vient de parler. Ici, on a pris deux couples. On a pris l'homme et sa femme. Et on a pris Christ et l'église. On est d'accord, n'est-ce pas? Regardez, suivez attentivement. Parce qu'il faut qu'on comprenne ces choses-ci. Il dit, femme, soyez soumise à vos maris. Ouais, n'est-ce pas? Il dit, femme, sois soumise à ton mari. La femme doit être soumise à son mari. Après, il dit, comme. Donc, on a fait une comparaison. Comme, ça veut dire une comparaison. Donc, si on dit que tu es comme ta mère, on dit qu'on a de te comparer à ta mère. On dit ici, femme, sois soumise à ton mari. Et on dit, ce, comme Christ, comme l'église est soumise à Christ. Comme. Donc, il y a l'homme, il y a la femme, ici, il y a Christ, il y a l'église. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a Christ, il y a l'église. Donc, dans cette comparaison, le mari est comme le Seigneur, la femme est comme l'église. On est d'accord? On est d'accord? Marie, femme, sois soumise à ton mari. Comme l'église doit être soumise à Christ. Donc le mari représente Christ, la femme représente l'église. D'accord? Maintenant, avançons maintenant. Relis encore la phrase, frère. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. Oui. Qui est son corps et donc il est le sauveur. Stop. Oh. Donc, on vient de nous donner la définition de l'église là-bas, pas vrai? On a dit que Christ est le chef de l'église. L'église est. Quand on dit définition département, département c'est. Il dit l'église est son corps. Donc ce qu'on appelle l'église, c'est le corps de Christ. Voilà la définition que la Bible donne. Donc l'église, c'est le corps de Christ. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est simple. Et c'est simple. À partir de cette définition maintenant, on peut bousculer tout dans le monde entier là maintenant. À partir de cette définition. D'accord, frère? Donc maintenant, la définition est sortie. On peut arrêter donc maintenant. Alors maintenant, regardons, avançons un peu. Il dit, l'église, le chef de l'église, c'est qui? C'est Christ. On est d'accord? C'est ce qu'on a dit là-bas. On dit que le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est. L'église qui est son corps. L'église est son corps. L'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. S'il vous plaît, répétez ceci pour que je sois sûr que ça reste dans vous. Dites, l'église est le corps de Christ. Vous allez voir là où ça bat tout à l'heure. Souvenez-vous de ce qu'on a dit dès le départ. J'ai dit que si vous ne voulez pas qu'on lise, on fait le Congo, ça si vous voulez. Mais si vous voulez qu'on continue, on va continuer dans la vérité. Et souvenez-vous, peut-être vous êtes devant vous me regardez comme ça, que vous avez ajouté quelque chose, alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors on dit que l'église c'est quoi? Le corps de Christ. Maintenant, nous sommes de la vérité, non? Nous sommes de la vérité, pas vrai? Ou bien, nous voulons écouter la vérité, non? Qui ici a déjà dit que je m'en vais à l'église? Levez la main. Si vous avez déjà dit un jour que je m'en vais à l'église, si vous avez déjà fait, levez la main. On est dans la vérité, ne mentez pas. Levez seulement la main. Ok. Donc, vous voyez que tout le monde a dit que je m'en vais à l'église, non? Ok, maintenant. Regardez bien. On dit, l'église, c'est quoi? On vient de lire que l'église, c'était quoi? Le corps de Christ. Et vous vous dites que vous allez où? Donc vous allez au corps de Christ, n'est-ce pas? Ok, dites-moi donc, dans ce cas, le corps de Christ se trouve où? Dis à ton voisin que nous avons ajouté la parole de Dieu. Ah, vous ne voulez pas parler? Dis à ton voisin que nous avons ajouté à la parole de Dieu. Vous commencez à voir le problème, n'est-ce pas? Je vous ai dit que j'ai pris les bases là pour qu'on aille quand on va aller, pour que vous ne voyez pas, vous voyez la chose clairement. Alors, Dieu dit que ça, la définition de l'église, voici ce que Dieu lui, il appelle, souvenez-vous, c'est lui qui parle. Dieu dit que la définition de l'église, l'église c'est le corps de Christ. Quand tu dis je m'en vais à l'église, vous vous dites que l'église est un endroit. On est d'accord? Puisque quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir église pentecôtiste, vraie église de Dieu. Tu dis, oh, voici l'église. Le pasteur va s'asseoir là-bas sur la chaise, va prendre le micro, dit, quand vous venez ici à l'église, le pasteur en train de dire que l'église c'est où? Son endroit, pas vrai? C'est parce qu'il a dit, quand le pasteur prend le micro, il dit, quand vous venez ici à l'église, venez tôt ici à l'église, il faut balayer l'église, il faut laver l'église, il faut construire l'église. Il a dit d'appeler l'église un bâtiment. On est d'accord? A-t-il ajouté ou il n'a pas ajouté? Sa fin, c'est où? Vous avez peur de parler? C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui a dit ça dans la parole que je dis. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut examiner la Bible tranquillement sans que je ne reçois pas le coup de bâton ici sur moi? On peut aller doucement. Le but c'est ceci, c'est que si nous étions, souvenons de ce qu'on a vu. J'ai dit qu'après qu'on va entrer dans la Bible, on va voir si on servit le Seigneur de la bonne façon. Si ce n'est pas de la bonne façon, on se repent et on se met en ligne. C'est le but. D'accord? Si Dieu nous permet de regarder que nous avons fait faute, quand Dieu dit que tu as fait faute, ce n'est pas pour que tu restes là-bas. C'est pour que tu changes et que tu marches comme lui il veut. C'est un petit atome des problèmes qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Il dit, l'église est le corps de Christ. Et après on va ajouter, c'est pas fini, la phrase n'est pas finie. On dit, dont il est le sauveur. On est d'accord? C'est ce qui, le verset continue comme ça, frère. Il dit que, dont il est le sauveur. Donc on dit ici que, Christ a sauvé quoi? Dans ce verset-là, on veut dire que Christ a sauvé quoi? L'église. On dit, Christ a sauvé l'église. Donc quand il était à la croix, on a pleuré sa main là. Quand il est mort là, c'est pour sauver quoi? Je pose la question. Quand on met ici, vraie église de Dieu, sur le bâtiment là pour lequel Christ est mort, mais répondez-moi. Il dit, la Bible déclare que, 1. L'église est le corps de Christ. Ok. Et on dit que cette église là, c'est ce qu'il est venu sauver. Et tu, vous allez quelque part, on dit, vraie église de Dieu, on écrit comme ça, vraie église de Dieu, que c'est la vraie. Donc quand je vais à cet endroit, je vois, je dis, il sait que voici l'église du Seigneur. Répondez-moi par oui ou par non. Jésus-Christ est venu mourir pour la vraie église. Il y a un problème. Il faut que tous ceux de la vraie église sortent de là rapidement et se répandent. Lorsque vous voyez que vous venez voir l'église presbytérienne, Jésus-Christ est venu sauver l'église presbytérienne, le bâtiment là. Il faut que tous ceux de l'église presbytérienne se répandent et sortent de là et cassent ça. Où venez cette église catholique universelle? L'église, Jésus est venu mourir pour l'église catholique universelle. Vous pouvez continuer maintenant en mettant un bon nom. Vous voyez très bien que c'est contraire à la parole de Dieu. Pourtant, il croit qu'il sait Dieu. Mais Dieu dit le contraire. Voilà où on doit aller, n'est-ce pas? Tout ce qui a été ajouté, Dieu a dit que si tu ajoutes n'importe quoi, il va te reprendre pour que tu sois trouvé menteur. On a vu ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, la Bible déclare que Dieu, Jésus-Christ, est mort pour sauver l'Église. S'il est mort pour sauver l'Église, dans ce cas, vous comprenez que l'Église, ce sont les êtres humains. Nous sommes d'accord? On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, ce sont des êtres humains qui sont appelés Église. On est d'accord? Donc, l'Église, ce sont les êtres humains pour qui Jésus-Christ est mort. Parce qu'on dit que il est. Lisons encore la phrase, frère. Verset 22 encore. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et donc il est le sauveur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous-même, vous pouvez imaginer que Jésus était au ciel comme ça, son corps est formé de parpaings sur la terre? Est-ce que le corps de Jésus, c'est les parpaings? Alors, quand vous allez quelque part, on écrit église pentecôtiste, église full gospel, église réveillée, plein évangile, que l'évangile est plein là-bas et il n'y a même pas d'évangile parce que voilà l'évangile. Alors, je pose la question, ce que vous voyez là, c'est l'église ou c'est pas l'église? Il dit ce que vous voyez, puisque c'était là, full gospel, ceci, n'importe quoi que vous pouvez, n'importe quel nom que vous pouvez donner, c'est l'église du Seigneur ou c'est pas l'église? Alors, je pose donc la question, vous allez où donc depuis? Où est la marche, n'est-ce pas? Je peux avancer après prêcher ici. J'avance, je continue, on continue ensemble. Si vous êtes de la vérité, vous allez aimer ceci. Je vous le dis. Parce que Dieu nous corrige pour que nous revenions à la sainteté. D'accord? Et nous marchons dans la voie de la sainteté. Donc, la Bible déclare deux choses ici. Christ, ce qu'il appelle l'Église, c'est son corps. Ce corps-là, ce sont des êtres humains pour qui il est mort. On est d'accord? Dans ce cas, on ne peut pas aller à l'église. Donc, l'appellation, quand tu dis « je m'en vais à l'église », n'a pas de sens. Ce n'est même pas biblique. Ça n'a même pas de signification. Tu ne peux pas aller à l'église. Tu ne peux pas aller à... Parce que l'église, ce sont les êtres humains. Il a dit ça autrement. Il a dit « là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. » Voilà dans l'église. L'église, c'est dans l'assemblée de ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. L'église, donc, c'est l'assemblée de ceux qui... Ceux. Ce n'est pas le lieu. Ce sont les êtres humains que Christ a sauvés. Du monde. D'accord? C'est pour ça qu'il ne m'a pas donné la définition étymologique d'Ecclesia. D'accord? Je vais dans la Bible. Si nous sommes ici, chacun de nous, et que Jésus nous a sauvés, voici l'église. Ce n'est pas ça qui est l'église. Ou c'est ici, n'est-ce pas? Le mur, si ce n'est pas ça qui est l'église, c'est ça qui est l'église. Or, quand les gens mettent église full gospel, église pentecôtiste, toi qui es l'église, tu peux te former dans un bâtiment. Dis à ton voisin, si tu pars en prison. Dis à ton voisin que c'est en prison que tu pars. Parce que c'est en prison qu'il y a un condamné. Remarquez bien, vous allez en condamné, vous allez voir les plaques là-bas. C'est là-bas où tu entres pour t'enfermer. Parce que Jésus-Christ est venu sauver les gens dans le monde pour qu'ils soient libres. Toi, tu quittes maintenant, tu églises, je m'en vais à l'église, je m'en vais à l'église, tu pars en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut la repentance. Je vais prendre aucun des mots pour que vous saisissez comment c'est complexe. Satan a tellement embrouillé les choses. Qui a entendu parler du mot baptême? Vous avez entendu, au moins, vous avez entendu le mot baptême? Voilà. Maintenant, si je dis comment est-ce qu'on baptise, vous allez me dire quoi? On baptise comment? Répondez spontanément. On baptise? Oui, non. On baptise comment? Hein? À la rivière, oui. On baptise comment? Par immersion, n'est-ce pas? Donc, on baptise par immersion. Oui, c'est ça, c'est ce que la Bible dit, là. Mais le problème, c'est que quand tu dis que je baptise par immersion, tu en as de faire que tu en as dit que je baptise en baptisant. Parce que le mot baptême, lui, me veut dire immerger. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc, quand je prends quelqu'un, je dis, je le plonge dans l'eau. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu en as dit, je te plonge au nom du Seigneur Jésus. Alors, les gens disent aujourd'hui que non, chez nous, nous baptisons par immersion. Il veut dire, nous immergeons en immergeant. C'est ce qu'il a dit. Parce que baptiser veut dire immerger. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, quand quelqu'un dit, non, vous les pentecôtistes, là, je ne sais pas comment vous faites cela. Chez nous, les catholiques et les protestants, nous baptisons par aspersion. Il a dit qu'ils immergent en aspersant. Ça a un sens? Ni les pentecôtistes n'ont raison de dire nous baptisons par immersion. Ni les catholiques n'ont raison de dire nous baptisons par aspersion. Parce que quand tu dis baptiser déjà, ça veut dire que tu en es plongé. Baptiser, ça veut dire plonger. Donc il y a pas, tu ne peux pas plonger quelqu'un en aspergeant l'eau. Tu ne peux pas plonger quelqu'un en plongeant. Tu plonges tout simplement. Vous comprenez ça? Ce sont des problèmes. Donc on ne va pas à l'église. Dis à ton voisin qu'on ne va pas à l'église. Parce que l'église n'est pas un lieu. Je sais que c'est difficile. Même tout à l'heure, là, quand vous allez dire à quelqu'un dimanche, vous allez dire que tu viens à l'église dimanche, ça va souvent sortir comme ça. Pourquoi? Ça a eu du temps à rester là-bas dans le corps, dans le cœur. Vous savez, quand la marmite, on met la marmite au feu, c'est noir. Si on ne lave pas, un jour, quand tu veux laver, vous voyez, c'est difficile pour que ça sorte. Donc, le faux, longtemps, c'est pas facile que ça sorte. Et ça va sortir au nom de Jésus. Amen. D'accord? Ça va sortir. Parce que Jésus a dit qu'il veut une église sans tache ni ride. Donc, il faut que ça soit nettoyé. Et la seule façon pour Dieu de nettoyer, c'est revenir à la parole. Parce que la source qui est la parole. Donc, parce que la parole va nettoyer. Maintenant, quand il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Maintenant, tu ne peux plus dire, je m'en vais à l'église parce que tu connais déjà la vérité maintenant. Tu ne peux plus dire, je me baptise par aspersion ou même par immersion parce que tu connais déjà que baptême veut dire immerger déjà. D'accord? Ce sont des petits exemples comme ça. Alors, frère, lisons le deuxième passage. Donc, vous avez le temps de lire jusqu'au verset 33, d'accord? J'ai dit, deuxième passage, Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. C'est avancé seulement, c'est quelque part devant, après Éphésiens. Après Éphésiens, là, vous avancez seulement. Verset 18. À haute voix, frère. Il est écrit, il est la tête du corps de l'église. C'est Jésus qu'on a de parler ici. Regardez. Il faut que les gens suivent ça pour qu'ils voient ça de leurs yeux. Vous faites tout pour voir ce qu'on a de lire de vos yeux. Verset 18. Vous êtes à Éphésiens, vous êtes dans Colossiens, n'est-ce pas? Le chapitre 1. Le verset 18. Voilà, tout le monde y est. Maintenant, lis encore, frère. Colossiens 1, verset 18. En fait, je vais reprendre quelque chose parce qu'on commence par il là-bas. Si vous regardez depuis le verset 15, on va dire qu'il est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créés trône visible, dignité, domination, les choses visibles et invisibles, trône, dignité et domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Et puis on arrive au verset maintenant 17, verset 18. Il dit quoi? Il. C'est pour vous identifier la personne de qui on en avait parlé. Donc il, c'est le Seigneur Jésus. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. On dit donc qu'il est. Donc on dit qu'il est la tête. Tête veut dire chef. Il est le chef, le commandant du corps. Du corps, l'église. Donc l'église, c'est un corps. L'église, c'est ce que la Bible dit. L'église, c'est un corps. On a d'abord vu la définition là-bas que l'église, c'est le corps de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc l'église, c'est le corps de Christ. Christ est le chef de ce corps-là. Et ça, c'est évident donc que l'église, donc, ce sont les êtres humains. Donc Christ n'est pas le chef d'un bâtiment. C'est pas un bâtiment. Pourquoi? Parce que regardez bien, si un tremblement de terre, un bâtiment est situé sur une ligne où il y a un tremblement de terre, ça peut se détruire. Mais Jésus a dit que ça non l'église à lui. Ça ne peut pas se détruire, même si c'est l'enfer qui fait quoi que ce soit. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon épreuve vont point contre elle. Ça se comprend. Donc on a donc la définition biblique de l'église. L'église, c'est le corps de Christ, dont les êtres humains qui sont sauvés par lui. D'accord? Maintenant, on va voir donc qui fait partie de l'église. D'accord? Ok, merci frère. Donc, qui fait partie? On a vu un, la définition de l'église. On est d'accord? Deux, maintenant, on va voir maintenant qui fait partie de l'église. Je ne vais pas entrer parce que c'est tellement vaste. Je vais seulement donner un seul verset. Un seul verset et nous poser la question. D'accord? 1 Corinthiens. Chapitre 12. Donc, la question, c'est quoi l'église? Elle a répondu. L'église, c'est le corps de Christ. Ce sont les êtres humains pour qui Christ est mort. C'est ce que les deux versets l'ont dit. Deuxième chose maintenant que nous voulons voir qui fait partie de l'église. Souvenez-vous de ceci. On a vu maintenant, et il faut que ça soit clair dans vos têtes maintenant, que l'église, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une construction. On est d'accord, n'est-ce pas? L'église, ce n'est pas un lieu. Donc, à l'instant, vous voyez quelque part, on a mis une plaque comme l'église. Remarquez bien, quand vous regardez la plaque, vous allez à la boutique, vous allez voir la plaque. C'est pas vrai? Ouais, la plaque, c'est la publicité, donc c'est une entreprise. C'est pour ça qu'on peut vendre les choses là-bas. On peut vendre les mouchoirs, les huiles, vendre les livres. Mais observez la Bible et voyez les apôtres agir, il n'y a pas de telles choses. Ok, j'ai dit quel livre? 1 Corinthiens, chapitre 12. Lisons seulement, j'ai dit seulement le verset 13. Qu'est-ce que ça dit? 1 Corinthiens 12, verset 13. Il est écrit: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit Juif, soit Grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Ok. On a parlé du corps là-bas, n'est-ce pas? On dit que, on a dit, le Saint-Esprit a défini, c'est que, qui est considéré comme membre du corps? C'est dans votre Bible. Il a dit, qui fait partie du corps? Parce que souvenez-vous, on a dit ici que l'Église, c'est le corps de Christ. On est d'accord, n'est-ce pas? L'Église, c'est le corps de Christ. Et l'Église, c'est celle pour qui il est venu pour mourir. Et si on dit donc que ce corps-là, comment on y entre? Oui, frère, c'est d'abord dans le verset 13. On y entre comment? Baptisé dans le Saint-Esprit. Voilà. Donc, celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit est un membre du corps de Christ. C'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il n'appartient pas au corps de Christ. Même s'il joue le piano n'importe comment, il chante comme ça, la chair de poule arrête les gens. Il est quand même à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps. Dieu nous donc dit, la question est répondue, qui fait partie du corps? Ceux qui sont baptisés de l'Esprit de Christ. Alors la question que je pose maintenant, c'est quels sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Je ne vous demande pas de répondre. Je ne vous demande pas de répondre. Alors, ça veut dire que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, c'est Romain qui le dit. Romain chapitre 8 le dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, si tu as l'Esprit de Christ, ceci témoigne que Dieu t'a adopté. Il a agréé ta foi en montrant que tu es l'une des personnes pour qui il est venu mourir. Parce qu'on a dit que l'Église, c'est son corps, donc tu es le Sauveur. On est d'accord? Amen. Fermons d'abord la Bible pour le moment. Je vais continuer la parole. Je vais continuer. Donc, trois choses ont été résolues. Trois choses ont été résolues depuis que nous sommes ici. Première chose, la parole de l'Éternel ne doit pas être changée. Rien ajouté, rien retranché. Auquel cas, si quelqu'un retranche ou ajoute, la fin c'est quoi? La perdition. On a vu ça, n'est-ce pas? On a pris quelques exemples. Baptême, église. Et l'une des choses que Dieu nous a dit maintenant, c'est que l'église n'est pas un lieu, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est un ensemble de corps. D'accord? Donc, ce sont les membres. Une personne, deux personnes, trois personnes dans le monde entier. C'est tous ceux-là qui sont remplis de son esprit, qui forment ce que Christ appelle l'église. Vous comprenez même pourquoi Jésus a donc dit que c'est lui qui bâtit, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui donne son esprit pour agréer. Comme quelqu'un bâtit la maison, il prend le ciment pour mettre, pour que ça colle. Il met un papin, le cap. Vous voyez, n'est-ce pas? On a pris un papin, on a mis le ciment au côté. Ça a lié avec l'autre papin. Et que ça a formé cette maison, ce qu'on voit là aujourd'hui. Christ prend une personne, il la sauve, il nettoie, il met son esprit. 2, 3, 4, 5. Dans le monde entier, selon le nom qu'il veut. L'ensemble la forme son corps. C'est. Voilà. Et on a donc vu que pour y entrer, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Alors, je vais encore pousser la chose de loin. Si vous ne voulez pas que je continue, vous dites seulement, frère, arrête. Vous avez entendu parler de quelqu'un fait papa. Vous avez entendu parler de des choses comme ça? Qui a entendu? Vous avez entendu? Vous avez entendu des choses comme quelque chose comme ça? Vous avez entendu ça? On appelle ce nom ça quoi? Non, vous voyez, j'ai dit ça, nous sommes là pour résoudre un problème. S'il y a un problème qui se pose, il faut qu'on résolve. Les linges sales se lavent en famille. S'il y a un problème, il faut qu'on regarde. Je pose donc une question. Le Saint-Esprit, écoutons le nom. Saint-Esprit, un esprit qui est quoi? Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut-il le recevoir, vivre dans le mensonge? Comment quelqu'un peut-il le recevoir, vivre dans la saleté, passer le temps à insulter, boire de la bière, mentir, forniquer? C'est vrai ça qu'il a reçu le Saint-Esprit? Je vais poser encore une question au-delà, la question autrement. Vous avez la réunion des gens. Viens, mon cher, viens. Je donne les exemples pour que vous voyez. Viens. Tu es mon frère, comment tu peux? J'ai fait ceci en exemple pour vous montrer que vous voyez qu'il y a des problèmes. Vous avez vu la réunion où on réunit les gens, qu'on va prier pour le baptême du Saint-Esprit maintenant. On prie que, ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche, commence à parler, fais papa, ouvre ta bouche, ça va sortir. Vous avez vu ça, hein? Vous avez vu les têtes chaudes, non? Assieds-toi, mon cher. Où est-ce que ça se trouve dans la Bible? Où est-ce que ça se trouve? Vous avez vu ça dans la Bible? Je pose la question. Qui a dit que c'est comme ça? Ça sort d'un doux. Alors quelqu'un fait, tu dis que tu étais où? Il était là-bas, alors qu'il était à la maison. Dans la même bouche. Sort de l'eau douce et l'eau amère. C'est comme ça que la Bible nous dit. Alors, maintenant, comment ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu ici dans la Bible marchaient? Ou mieux encore, comment est-ce qu'ils recevaient l'Esprit de Dieu? Ou mieux encore, pourquoi l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un? Qu'est-ce qui amène l'Esprit de Dieu à venir sur un corps et habiter dans un corps? C'est pour ça qu'il y a des une semaine ne suffirait pas pour parler. C'est seulement de ça. Alors, si on se réunit, on dit que Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux mesurer ce que tu as dit, donne-moi le Saint-Esprit? À qui il donne le Saint-Esprit? Prenons, vous voyez, une question est sortie, dites-moi, je vais voir la réponse passer. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 5. Lisons seulement le verset 32. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je vais te dire, ne t'inquiète pas, d'accord? Actes des Apôtres. Nous y voilà. C'est ça, Apocalypse ici. Ça, c'est... Actes des Apôtres, chapitre 5. Avance, on va voir Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5. Oh, il y a tellement de problèmes dans l'église. Tellement de problèmes. Mais j'ai cette assurance-là. Comme Jésus, notre Seigneur, a dit, il bâtira. C'est lui qui en est bâti. Donc maintenant, toi et moi, nous sommes assis ensemble ici. Nous avons ouvert sa parole ici. Il est en train de faire son œuvre au travers de nous. Et en nous. Qu'on en soit conscient ou non. Il est en train de travailler. Désormais, votre Bible que vous avez entre les mains, vous n'allez plus la lire n'importe comment. Parce qu'une lumière sera jetée sur vos yeux là-dedans. La Bible que vous lisez autrement. Maintenant, vous allez les lire, maintenant, vous allez comprendre c'est de la bonne façon. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 32. Et parce qu'une question est sortie, à qui il donne? Et puis, je suis dans ce verset, il m'est passé là. Qu'est-ce que ça dit là? Tu peux lire, mon frère. Quelqu'un peut lire? Oui, tu peux lire. Oui. Je lis au nom de Jésus. Nous sommes témoins de toutes ces choses. De ces choses. Oui. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le verset dit que Dieu donne le Saint-Esprit à qui? Ça va encore nous poser un problème là maintenant, des fondations. On dit ici que le Saint-Esprit est donné à qui? À ceux qui obéissent à Dieu. On est d'accord? Dieu dit dès le départ qu'on n'ajoute rien à sa parole. On ne retranche rien de sa parole. Et il dit qu'on doit pratiquer tel qu'il a donné. On est d'accord? Quelqu'un vient, il retranche. Il fait des choses qui n'est pas de Dieu. Et il dit qu'il a le Saint-Esprit. Vous pouvez croire ça? Vous pouvez croire qu'il a vraiment le Saint-Esprit? Il a ajouté oui ou non? Est-ce qu'il obéit à Dieu s'il ajoute? S'il retranche, est-ce qu'il obéit à Dieu? Alors si cette personne qui a retranché de la parole, ou bien ajouté de la parole, vient vous dire qu'il a le Saint-Esprit. Le verset dit qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à ceux qui ne lui obéissent pas, dit la parole. Il n'y a qu'une seule façon. Souvenez-vous de ce qu'il dit aussi. Quand Satan est venu balancer quelque chose, Jésus a seulement pris la parole contre cela. Parce que ça ne peut pas être contraire à la parole. Jésus ne peut pas donner la parole parce que tu es trop beau, parce que tu es trop jeune. Jamais, ce n'est pas pour cela. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui l'ont connu d'avance. Vous me saisissez? Voilà. Je vais d'abord m'arrêter jusqu'ici là et vous demander de me poser des questions. Ou mieux, si vous ne posez pas de questions, moi, je vous pose des questions. J'attends les questions. Avant d'avancer, parce que c'est pas fini. Je suis seulement rentré en première. Vous voyez qu'il y a un problème au milieu des chrétiens, n'est-ce pas? Mes chers amis, vous voyez qu'il y a vraiment un problème au milieu chrétien. Je vais prendre un exemple pour vous comprendre vraiment qu'il y a un problème. Voici quelqu'un qui s'habite, je ne connais pas vos quartiers ici à Toboro, mais je vais donner l'illustration avec ceci, n'est-ce pas? Une personne habite ici, voici sa maison. Maintenant, vous allez comprendre maintenant. La construction, on a mis église, une église se trouve ici. Quand il parle maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Un endroit, on a mis église telle. D'accord? La personne s'y habite ici. Voici un endroit où on a écrit par exemple église telle ou bien vraie église. Après ça, après ceci, à un endroit donné, se trouve peut-être CMCA ou bien Full Gospel ou n'importe quoi. Après ça, il y a l'église catholique. Cette personne se dit qu'elle est chrétienne. Elle prend sa Bible le matin. Elle saute ceci. est saute ceci, est pas ici, avec la Bible. Entre temps, quelqu'un habite ici, il est ici. Il sort le matin, pendant que celui-ci est en train de partir, ici, l'autre se traverse, mais ils ont la même Bible. Tu demandes à celui-ci, entre ici, il dit non, je ne viens pas chez vous, parce que chez vous, vous dites que, mais ils ont la même Bible. Tu dis aussi à celle-ci qui vient ici, on part ici, il dit jamais, il ne vient pas chez vous, parce que vous dites que, mais ils ont la même Bible. Je pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? N'y a-t-il pas un esprit de confusion au milieu de ces personnes-ci? Comment dans ces cas peut-il avoir les mêmes Bibles? Et celui-ci a peur d'aller là-bas, l'autre-ci a peur d'aller là-bas. Vous pensez qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a vraiment un problème. Parce que si j'étais son frère, il n'y a pas de problème. J'ai quitté le civil ici, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, le problème maintenant, c'est que, en dehors de la Bible que Dieu a donnée aux hommes, ceux-ci ont ce qu'on appelle le règlement intérieur. Chez nous, nous pensons que s'ils sont des vraies églises, ils vont dire que notre fondateur, c'est pas qui est le fondateur, mais CMC, nous avons tel livre que nous lisons. Peut-être nous sommes, il y a un tel là-bas, faisait des disciples. Faisait des disciples. Ceux-ci ont les, si c'est catholique, ils ont les premières lectures, les liturgies, la messe et les sacrifices. Ceux-ci ne peuvent pas faire ce que ceux-ci font, ceux-ci ne peuvent pas faire ce que ceux-ci sont. Pourtant, si chacun venait à la parole de la bonne manière, tous auront le même langage. Donc, il y a un esprit de confusion au milieu chrétien. Il y a un esprit de confusion. Or, lisez votre Bible, les premiers chrétiens n'avaient pas de confusion. Pierre était quelque part en train d'annoncer la parole. Jean était quelque part en train d'annoncer la parole. Philippe était quelque part en train d'annoncer la parole. Paul était quelque part en train d'annoncer. D'abord, Paul ne les a même jamais vus. Il n'a même jamais marché avec Jésus. Mais ce qu'il prêchait, c'était exactement la chose que les autres prêchaient. Ça confirmait là que l'esprit que ceux-là ont reçu, c'est le même esprit qu'ils ont reçu. Et chaque fois quand cet esprit-là venait sur quelqu'un, ça va l'amener les gens à la parole que Paul, Pierre et les autres ont prêché. Chaque fois. Je recommence encore. Si quelqu'un dit qu'il a reçu l'esprit que les Paul ont prêché, ils vont prêcher comme Paul ont prêché. C'est ce que je viens de dire. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il ne peut pas venir contredire sa propre parole. D'accord? Pierre était de l'autre côté, il prêchait. Quand il voulait baptiser les gens, il plongeait les gens au nom du Seigneur Jésus. C'est pas ça? Paul ne l'avait jamais vu. De ce côté, il dit, avez-vous, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, si baptisé déjà, il dit, oh, je comprends votre problème. Il dit, il faut baptiser au nom du Seigneur. Pas vrai? Qui a dit à Paul que c'est au nom du Seigneur Jésus qu'il faut baptiser? Qui lui a dit? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Alors, notre Seigneur Jésus Christ avait dit dans Jean chapitre 16, que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous conduira dans toute la vérité. Je pose donc la question. La personne qui sait ici, qui a commencé à écrire Marie, et c'est ceux qui parlent des disciples, des faisaient disciples, ils ont vu ça dans la Bible aussi. Est-ce qu'ils ont vu ça dans la Bible? Alors, qui les conduit alors? Est-ce le Saint-Esprit? Il y a un problème au milieu chrétien. Il y a un problème au milieu chrétien qu'il faut que vous et moi, nous comprenions. Parce que tu l'admets ou non, tu es impliqué. Oui, tu es impliqué. Parce que le livre que les gens s'y lisent, écrivent, on lit. Parce qu'on croit qu'on va lire cela pour avoir la vie. Alors que la Bible qui donne la vie est là. On lit même beaucoup plus. Prenez chaque membre de cette dénomination, vous allez voir qu'ils lisent beaucoup plus des livres de la dénomination plus que la Bible. Et c'est ça qui amène la confusion. Si chacun allait avec humilité, vous dites, je m'en vais à l'église, je m'en vais à l'église. Vous dites, si on posait seulement la question, c'est quoi l'église? Et qui vient à cette réponse-ci, ils vont mettre des freins. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est que chacun devait se freiner. Mais comment est-ce que la Bible dit que l'église c'est ceci? Et puis les gens disent que mais voilà l'église. Donc il y a une confusion. Donc Jésus, notre Seigneur, veut qu'on retourne à la parole. On retourne à la manière de faire de la parole. Ce qu'il a dit, l'instruction qu'il a dit, qu'on n'ajoute rien, on ne retranche rien. D'accord? Donc, je vais d'abord reprendre les questions, prendre les questions avant d'avancer sur comment se réunissaient, on va répondre à ces questions-ci. Comment se réunissaient les premiers chrétiens? Et après, on va arriver à la deuxième phase de cela. D'où est-ce que les dénominations ont commencé? Après, on va répondre à la troisième question, si Dieu le permet. Que faut-il faire? Il faut qu'on pose à ces questions-là. Maintenant qu'on est dans cette situation, que faut-il? Il faut qu'on résolve ce problème. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je prends d'abord vos questions. S'il y a des questions à poser, vous posez. Sentez-vous lui, frère, à poser des questions. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous poser la question. Et je commence en ordre. Je commence comme ça, en allant comme ça. Je pose des questions. Si vous avez intérêt à me poser des questions, moi qui suis devant vous, je prends les questions pour savoir si ce que je lui dis depuis, vous saisissez ce que je lui dis et même vous saisissez la gravité. D'accord? Parce que souvenez-vous, si on dit que la maison est en train de brûler, c'est que tu n'as pas demandé qui est à côté de toi avant de courir. Si on dit feu, feu, feu, là où vous êtes là, en voyant que tu seras déjà dehors, c'est pas ça. Hein? Tu fuis à toute vitesse parce que tu as entendu quoi. Mais la Bible en train de dire que ceux qui vont ajouter, leur pas sera dans les temps ardents de feu, pas seulement feu, ardent. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Si tu fuyais, si tu fuyais ici, là, il faut filer. Ouais, là, n'est-ce pas? Parce que ici, c'est le feu humain. Là-bas, c'est le feu ardent, mélangé de soufre. Là-bas, il pleure. Tu pleures, là, il n'y a pas de... Ici, au moins, le feu peut être brûlé. On met... Le sapin pour vivre éteindre. Là-bas, on n'éteint pas le feu, là. Même l'eau, même on porte tout l'eau du marigot en versant là-bas. La chaleur qui va dissoudre, va évaporer l'eau. Donc, ici, il y a une situation qu'il faut fuir le feu. On fuit rapidement. Là-bas, c'est le côté où tu pars là-bas, tu ne retourneras plus. Vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'il dit, posez des questions pour qu'il soit sûr que vous me saisissez. Il y a une question. Oui, mon cher. Par rapport... Tout à l'heure, on parlait de langues. Oui. Et, alors, remarque bien que j'ai même pas ouvert ça de ma bouche. C'est le Père qui a dit que le Saint-Esprit... J'ai voulu regarder pour voir si quelqu'un André perçoit quelque chose, n'a pas perçu. Je me suis tué là-bas. Oui, ça, en fait, ça, c'est le parler... D'accord. En langue, oui. On dit dans le premier temps, dans la Bible, les premiers disciples parlaient en langue. Absolument. Bon, ma question est simple. De quelle langue ça disait donc? Et qui les autorisait à parler cette langue? Bonne question. Voilà encore un autre problème. Maintenant que si on ouvre le chapitre 6, je veux seulement que vous me donnez, si vous dites, vous êtes d'accord avec moi que je parle dans la liberté, je vais parler. Parce que ça seulement, 5 heures de temps ne suffira pas à répondre à ces questions. Mais je peux seulement aventurer, effleurer, effleurer, effleurer. Mais il faut que, comme vous êtes assis là, parce que c'est que vous êtes nombreux aujourd'hui, je vais parler de la scène, si vous portez, la prochaine fois, vous ne venez pas, mais que vous avez déjà écouté. Donc, je vais quand même parler. Deux questions, il a posé. Première question, quelle langue ces premiers disciples parlaient? Deuxième question, qui les autorisait à parler? Il faut que ces questions soient répondues. On est d'accord? Maintenant, avant de poser, parce que c'est une bonne question, j'ai dit, je n'ai rien contre aucune dénomination, mais j'ai quelque chose contre toutes les dénominations. Parce que la parole est contre toutes les nations. Je prends la position de la parole. Je recommence encore. Je n'ai pas quelque chose contre aucune dénomination. Mais j'ai quelque chose contre toutes les dénominations. Parce que la parole de Dieu est contre toutes les dénominations. Je prends la position de la parole. Amen. Ok. Tout à l'heure, j'ai dit que quand on ça va venir. Parle pas la foi. Je pose la question. Je pose la question. Est-ce que vous avez ça là-bas? Vous avez dit non. Pas vrai? Alors, si ce n'est pas dans la Bible, on a ajouté non. Donc, je n'ai même pas besoin de savoir d'où ça vient, mais on a quand même ajouté. Il faut qu'on lise la Bible. Je dis que je n'ai pas le temps d'entrer dans cet enseignement de parler en langue. Mais on va seulement, vous et moi, on va lire la Bible là maintenant. Pour voir quand ça a commencé. Et on va répondre à ta question. 1. Quelle langue parlait-il? Et puis, on va automatiquement voir qu'il est autorisé à parler. Le livre du commencement de l'Église, c'est quoi? Quel est le livre du commencement de l'Église? C'est Actes des Apôtres. Actes, les actions des apôtres. On voit comment les apôtres ont agi. C'est pas ça? C'est le début de l'Église là-bas. Tout à l'heure, j'ai cité Matthieu 16. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, quand Jésus était sur la terre, l'Église était devant lui. C'était quelque chose qui devait venir plus tard. Et plus tard, quand il est mort, il est allé au ciel. Le Saint-Esprit est descendu, l'Église, parce qu'on a convenu que les gens qu'on appelle Église, c'est ceux sur qui l'Esprit est venu. C'est pas ça. Donc l'Église prend effet quand l'Esprit vient sur les gens. On est d'accord? Donc on va aller la première fois que l'Esprit est venu sur les gens, voir comment ils sont comportés et voir d'où c'est venu. Ce n'est que comme ça qu'on peut résoudre ce problème. On est d'accord? Bien qu'il n'ait pas entré en profondeur là-dedans. Actes des Apôtres, chapitre 2. Disons. Actes des Apôtres. C'est pour répondre à sa question. Je ne suis pas en train de sortir de mon sujet parce que le sujet, on va répondre à cette question qu'on a posée aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le climat de Touboro est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse vraiment ici. Ok, donc Actes, chapitre 2. Si vous lisez donc maintenant, si vous avez Actes, chapitre 2 devant vous, je vais reprendre l'histoire depuis le chapitre 1 et puis je vous lâche le chapitre 2 pour qu'on lise. Au chapitre 1, Jésus-Christ va apparaître pendant 40 jours à ses disciples. Le 40e jour, il va les donner rendez-vous sur une montagne où il va leur donner les dernières instructions. Avant de monter. Le verset 8 du chapitre 1 dit ceci. Il dit, mais vous recevrez une puissance. C'est Jésus qui dit à ses disciples. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous voyez, n'est-ce pas? En Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la de la terre. La Bible déclare qu'après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, vous voyez, n'est-ce pas? Il est parti. Maintenant, au chapitre 2, donc, ils vont monter, ils vont aller dans la chambre où ils se tenaient d'ordinaire. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est 40 jours, 40e jour que Jésus est monté. Ils vont aller dans la chambre haute. Remarquez bien, la maison où ils étaient assis, ils étaient là pendant 10 jours. Le 10e jour, donc, de leur attente, c'est-à-dire que 50 jours, non, la 50e, c'est parce qu'on parle de Pentecôte. Pentecôte veut dire 50e. D'accord? Pentecôte veut dire Penta veut dire 5. 50, d'accord? Donc, Pentecôte, ça veut dire 50e. Donc, c'est le 50e jour où le Saint-Esprit est descendu. Donc, nous sommes au chapitre 2 maintenant de Actes des Apôtres. Lisons à partir du verset 1 doucement, doucement pour répondre aux questions de notre frère. Allons-y. Allons-y, frère. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, déjà. Chapitre 2, verset 1. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Stoppons d'abord là-bas, frère. Et il faut que vous et moi, on comprenne ce que la Bible est en train de dire. Ils étaient assis comme nous sommes assis là. On est tout d'un coup, il y a un bruit d'un vent, comme un vent, comme. On n'a pas dit c'est le vent. On a dit comme un vent impétueux. Donc, la chose qui s'est déroulée pourrait être comparable à. On est d'accord, non? Comme un vent impétueux. Et il remplit toute la pièce où ils étaient assis. Après, on dit subitement, des langues semblables à des langues de feu. Il faut qu'on comprenne d'abord ce que ça dit. Leur apparu, n'est-ce pas? Et c'est posé sur chacun d'eux. Et puis, on va dire, et chacun fut rempli du Saint-Esprit et parlant en langue. Qu'est-ce qu'on a dit de dire par des langues semblables à des langues de feu? Qu'est-ce que la Bible a dit de parler comme ça? Je vais savoir si vous connaissez de quoi les questions, déjà, avant qu'on avance. Quand on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparaissent, on parle de quoi? Tu connais? Tu connais? On parle de quoi, mon cher? Du Saint-Esprit. Non, tout le bruit qui se passe autour là, c'est le Saint-Esprit. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparaissent et posées sur chacun d'eux. Je veux qu'on comprenne seulement parce qu'il y a le mot langue là-bas. Le problème, c'est au niveau de parler en langue. C'est pour ça que je m'arrête là-bas parce qu'il y a une langue là-bas. D'accord? On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Langue semblable, comme. Semblable, quelque chose qui est comme. La langue de feu, d'accord? Donc, je veux seulement qu'on comprenne que langue ici n'est pas le bavardage. C'est la langue, c'est l'organe. Oui. D'accord? Donc, il y avait sur la tête de sur le corps de chacun, une forme de feu qui était la forme de la langue. Il dit des langues semblables à des langues de feu. Langue de feu, c'est-à-dire que le feu qui apparaît a la forme de la langue. La langue humaine, c'est. Vous connaissez la langue, non? Ouais. Donc, on dit leur apparaît posé sur chacun d'eux. Maintenant, on peut continuer, frère. C'est ça que je voulais expliquer. Leur apparut séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Voilà, arrêtons encore là-bas, il y a encore un problème. Tout à l'heure. Quand j'ai pris le frère pour exemple, il dit qu'il fait. Il dit que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a répondu ici? Saint-Esprit. Ok. Vous voyez qu'on confond la manifestation au don. Quand on dit c'est le Saint-Esprit, parce que ce qu'il a dit de faire, c'est le parler en langue, entre guillemets. Mais pourtant, la Bible dit ici qu'ils ont d'abord été remplis du Saint-Esprit, puis la manifestation est venue plus tard. Donc, c'est d'abord le remplissage. Puis la manifestation. Vous voyez la différence? Donc, c'est la manifestation n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la manifestation. Vous voyez la différence jusque-là? Donc, quand quelqu'un fait, ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit. On va arriver, vous allez voir, d'accord? Alors, son frère. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, la Bible dit qu'il s'est mis à parler en d'autres langues. C'est écrit autres langues. Parce que ça va répondre à ta question tout à l'heure. Tu as posé la question, quelles sont ces langues-là? Pas vrai? Avançons maintenant. On va voir donc ces langues-là. Parce qu'il a dit en d'autres langues. Avançons. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Hommes pieux, oui. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Attends. Frère, maintenant, toi-même dis-moi maintenant, en tant que lecteur de la Bible, les langues que les apôtres parlaient, c'était de quelle nature? C'est chacun qui parle sa propre langue. C'est-à-dire que je suis Bamileke par exemple. Quand l'esprit vient sur moi, je fais comment? Il parle quoi, par exemple? En Bamileke. Mais c'est que ça, c'est que c'est pas nouveau parce qu'il connaît déjà Bamileke. Mm-hmm. Il recommence, relis encore ceci. Mm-hmm. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru et fut confondue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il veut encore expliquer la chose par une action, par un schéma pour qu'on puisse comprendre, d'accord? Toi, encore, viens encore, mon cher. Mais en te donner les choses, viens encore. Pour qu'on comprenne ce qui est écrit là, c'est Actes des Apôtres. Il y a la place là-bas. Viens, sinon c'est pour toi. Tu es l'acteur de la soirée, pas vrai? Non, il disait, viens t'asseoir ici, maman. Parce que c'est à la place de notre acteur. Donc, je vais arranger la scène comme dans les Actes des Apôtres. D'accord? Il y avait une fête des Juifs appelée la fête de la Pentecôte. D'accord? Les Juifs étaient, quand ils sortaient dans tout le monde entier, on a dit qu'il y avait à Jérusalem réunis tous les gens qui sont sous le ciel. Ils étaient là. Donc il y avait un grand nombre de personnes à Jérusalem. Celui-ci, je vais prendre celui-ci comme l'une des personnes qui est disciple du Seigneur Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ a parlé, il y a cela dit, vous montez au ciel. Il est allé dans la chambre haute en attendant. Les langues semblables, les fées sont venues se poser sur lui. Les bruits que ceux-ci faisaient dans la chambre haute, ça a attiré l'attention des gens qui étaient en fête. On dit, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Donc les gens qui étaient en fête sont courus, ont couru vers là où il y avait la manifestation. On se comprend? Donc le groupe, les gens qui devaient être en train de fêter, bon, entend un bruit quelque part. Tout le monde se dirige vers là où il y a le bruit. Là où celui-ci est en train de faire le bruit, les gens ici qui sont nombreux commencent à entendre quelque chose. On dit, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Et il fut confondu. C'est la multitude qui avait été confondue. Il dit parce que chaque personne dans cette multitude-là entendait les choses que ceux-ci disaient dans leur propre langue maternelle. C'est ce que la Bible dit. Donc, s'il y a un fulbé, je ne sais pas comment les tribus il y a ici-là. Prenons Bassa, supposons que toute la population s'est formée des Eondo, Bassa, Bamileke, Sissi. Quand celui-ci en a parlé, le Eondo entend ce que celui-ci en a parlé dans sa langue. Le Bassa entend ce que celui-ci en a parlé dans sa langue. Le Tupuru entend ce que celui-ci en a parlé dans sa langue. Le Boulou entend ce que celui-ci en a parlé dans sa langue. Parce qu'on a dit que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est pour ça qu'ils étaient confondus. Comment? Maintenant, suivons ce qu'ils vont dire eux-mêmes. Suivons. Avançons. Au verset 7, oui. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Oui, non. Ils étaient étonnés. On se sent les gens qui sont de l'extérieur qui étaient étonnés ainsi, oui. Et suivent ce qu'ils vont dire. Les uns aux autres. Oui. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Donc, ça veut dire que c'est une tribu différente des tribus qui sont parmi eux. Il dit que ceux qui parlent sont quoi? Galiléens. Il dit, maintenant, suivez la conséquence. Il dit. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Voilà une question qui est posée. Il dit des merveilles de Dieu. Frère, à ce moment-là, merci. On va donc voir la situation. Donc, si on est chez les Juifs, voici des Juifs qui sont venus dans le monde entier, dans tous les prosélytes. Quand on dit prosélytes, c'est ceux qui ont accepté la religion juive. Ont adopté la religion juive. Donc, tu peux être. Tu n'es pas de la nationalité juive, mais tu as accepté le judaïsme comme religion. Alors, non, on ne peut pas encore, frère. Tu es un autre acteur. Comment tu as peur? Viens, non, tu es un autre acteur. Donc le frère-ci est galiléen. En Israël, il y a plusieurs tribus. Le frère-ci est galiléen. La langue qu'il parle, c'est le galiléen. Il veut prendre la langue camerounaise pour qu'on puisse comprendre. D'accord? Le frère-ci, par exemple, est Bassa. Donc s'il ouvre la langue, normalement, la bouche, il doit parler quoi? Bassa. On est d'accord? Ici, donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs autres langues, autres que la langue Bassa. C'est-à-dire que Boulou, n'importe quoi. Quand vous entendez le bruit, quand vous venez, il commence à parler des choses. Alors, et le Boulou entend ce qu'il en a de dire. Et le Bamileke entend ce qu'il en a de dire. Et quand tu entends ça, tu entends qu'un boulot. Donc quand toi tu es ici, tu l'entends. Tu as compris qu'il en a de parler quoi? Quand celui-là en a de parler, tu entends quoi? Un boulot. Quand celui-ci qui est Bamileke en a d'entendre. Ça c'est un moment. Hein? Ouais. Celui-ci en a de, pendant que celui-ci en a d'entendre, il entend un boulot. Pas qu'il a fini de parler, s'arrêter. C'est tourner parler en boulot. C'est tourner parler en ceci. Non. Parce qu'ils sont venus, quand ils sont venus, chacun a commencé à entendre ce que lui disait. Mais on dit que chacun dans sa propre langue maternelle. Voilà donc ce que la Bible appelle le parler en langue. Donc, Le parler en langue, c'est l'aptitude que le Saint-Esprit donne à une personne donnée d'exprimer une langue humaine étrangère à lui. Assez terminant, mon frère, parce que ça va bader maintenant. Ça va bader là. Il sent que ça va bader. Dans la Bible, c'est que vous entendez? Il n'y a pas ça dans la Bible. Ça se trouve pas. Nulle part dans la Bible, il n'y a pas ça. Souvenez-vous de ce qu'on a dit aujourd'hui. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. C'est qu'on a hérité des choses que c'est grave seulement, qu'il faut qu'on nettoie. Donc voici dans la naissance de l'Église. Jésus avait dit cela dans Marc chapitre 16, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils saisiront les serpents ne leur feront point aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Donc Jésus lui-même avait prophétisé cela. On est d'accord, n'est-ce pas? Voici donc la prophétie de Jésus qui s'accomplissait là à Jérusalem. Il a prophétisé, donc il a parlé de langue à venir. Les disciples ont parlé. Maintenant, donc, il y a trois étapes. Il y a l'étape de la prophétie de la langue, l'étape de la manifestation et l'utilisation. L'utilisation de cette langue, se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14. C'est un chapitre vraiment développé pour expliquer le désordre qui s'est passé avec cela. D'accord, mon cher frère? Donc, les deux questions sont répondues. 1. Qui les autorise à parler en langue? C'est Jésus, parce que c'est Jésus qui avait dit qu'il devait parler en langue. Deuxième chose. Quel type de langue parlait? Il parlait de langue inconnue à quelqu'un. Quand celui-ci était debout, il parlait... Son histoire, quand ça sortait de sa bouche, il croyait qu'il parlait lui en galiléen, parce qu'on a dit clairement qu'il était galiléen, mais quand il ouvrait la bouche, il parlait boulou, il parlait ceci. Donc, le parlant là, et il ne connaît même pas qu'il a fait comme ça. Ah, c'est merveilleux seulement. L'église originelle va revenir. Vous savez, c'est vous faites dans les champs ici, la période des arachides, vous prenez les graines des arachides comme ça, vous ouvrez le sol, vous mettez, non? Quand vous mettez, trois jours après, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Il dit quand vous mettez 3 jours, 5 jours après, vous venez à l'endroit où il y avait la terre. Qu'est-ce que vous voyez pousser? C'est la levée, n'est-ce pas? Une plante verte sort. Si vous allez creuser, vous allez chercher votre arachide que vous avez mis, vous n'allez pas voir, pas vrai? En fait, la chose, c'est ceci. La chose que vous voyez verte là, se trouvait dans la graine que vous avez mis. Je recommence. La chose verte qui est sortie avec les petites feuilles là, la graine d'arachide que vous avez entre vos deux mains, ça se trouvait à l'intérieur. Mais il fallait que vous plantiez cela. Il faut que l'autre pourrisse. Pour que ce qui est à l'intérieur de lui sorte. Vous savez ça, n'est-ce pas? Tant que la graine de maïs là ne pourrit pas, la feuille verte là ne sortira pas. Oh, maintenant, si la feuille verte sort, est-ce que la feuille verte là c'est l'arachide? Ça due au sol. Ça due au sol. Un de ces jours, il y a ce que la période de récolte des arachides. Quand vous venez, vous arrachez, qu'est-ce que vous remarquez? Quand vous remarquez, il y a quoi en bas? Vous secouez la poussière, pas vrai? La terre. Il y a combien de gousses maintenant? Plusieurs. Vous avez mis combien? Si vous éclatez cette gousse-là, vous voyez que ça ressemble à quelle? À la première. Donc, vous montez, vous descendez. L'église qui se trouve dans la Bible, c'est la même que Jésus qui va trouver. Vous montez, vous descendez. C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit que la plante de blé qui tombe à terre, s'il meurt, il demeure seulement. S'il meurt, il porte des fruits. Lui-même, il est venu, non? Le mari qui est sur la terre. Quand il est mort, il est ressuscité, il va porter des fruits comme la graine de ces maïs-là, ou bien de cette arachide-là. Quand ça tombe, ça meurt, ça porte beaucoup de gousses. Et remarquez bien que la gousse que vous avez à la fin, si vous éclatez ça, vous allez trouver quoi? La même chose, même nature comme dès le départ. Mais pourtant, quand ça commence à grandir, vous allez voir une feuille verte. Après, un petit truc jaune sort au milieu, pas vrai? Ça se trouve dans l'arachide. Ça fait partie du composant de l'arachide, mais ce n'est pas l'arachide. L'arachide du départ sera l'arachide de la fin. Donc, quel que soit le gabegie qu'on a mis là-bas, à la fin, il y aura l'église du Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit. L'église du Seigneur Jésus. Et l'église du Seigneur Jésus-Christ est sainte. Il n'y a pas de péché là-bas. On ne peut pas ébranler cette église. L'église du Seigneur Jésus-Christ marche avec il est écrit. Vous savez ça, n'est-ce pas? L'église du Seigneur Jésus-Christ marche avec quoi? Il est écrit. Donc si c'est écrit, on fait. Si ce n'est pas écrit, on n'ajoute rien. Amen. Donc mon cher, ça va? À moi, est-ce que tu veux encore entrer dans la question? C'est bon. Ok. Je croyais que tu devais mettre le pied sur l'arc-en-ciel en disant que mais il y a les langues des anges. Je veux souhaiter que tu poses cette question. Et puis on devait alors avancer. Donc maintenant, comme il n'a pas posé la question, il répond pas aux questions non posées. Donc avançons, posez. Vas-y, des questions. Cette question, je pose encore. Comment, frère? Cette question, j'ai pose. Non, pose des questions. Nous sommes là pour cela, pour le partage. La Bible dit que si deux personnes se réunissent, oui, en son nom, oui, pour faire quelque chose, oui, cette chose sera faite dans le ciel, absolument. Dans le ciel. Oui. Mais je me dis, la chose que ces deux personnes vont faire là, oui, c'est de leur gré ou bien c'est des choses que le Seigneur les a inspirées? Bonne question. Ce qu'il a dit, c'est écrit dans le livre de Matthieu. Jésus a dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, il leur fera fête. Revenons encore sur la parole de Jésus. À qui s'adresse-t-il? C'est d'abord le problème. C'est-à-dire que toi et moi, je vais prendre un exemple simple. Toi et moi, on te dit que mince, le père c'est à la moto. On s'accorde, on prie que Dieu nous permet que quand il dort, on vole la moto. C'est normal, frère? Est-ce que c'est normal? Voilà. Ok, maintenant, tu as remarqué que les bandits partent voler en allant voler et prier. Si c'est ça, non, il y a des bandits qui en allant voler et prier, le Seigneur fait qu'on ne me lapide pas aujourd'hui. Oui. Et il réussit. Quand il réussit, Dieu a agréé à sa prière. Bon, il devait dire oui. Ah, mais c'est eux qui disent oui, ils disent, n'est-ce pas, d'après la parole, est-ce que Dieu a agréé sa prière? Non. Alors, ça veut dire que ça commence à poser le problème. Lorsque tu réussis dans tes voies, ça ne veut pas dire que Dieu a un accord avec toi. Il dit, lorsque tu réussis dans tes voies, ça ne veut pas dire que tu es nécessairement en accord avec Dieu. Oui. Ou bien Dieu est d'accord avec toi. Je peux aller dans la Bible et vous montrer une liste de personnes qui ont eu de bonnes choses, mais que ce n'était pas Dieu. Je peux vous les montrer là maintenant. Donc, quand quelqu'un dit que non, mes activités marchent. Je vais prendre un exemple simple. Qui est appelé dans la Bible l'homme selon le cœur de Dieu? David. Vous êtes d'accord avec moi? Un de ces jours, David, si vous lisez, c'est dans 1 Samuel et dans 1 Chronique, d'accord? L'histoire là. Les Juifs avaient désobéi à Dieu. Et en ce temps, il y avait l'âge de l'Éternel. On n'a pas encore construit le temple. Les Philistins ont pris l'âge de l'Éternel parti. Un jour, ça a duré des années. David a dit que non, ça fait longtemps que l'âge de l'Éternel est duré. Allons prendre l'âge de l'Éternel. Il a considéré tout le... Vous pouvez lire ça maintenant dans 1 Chronique, chapitre 13 jusqu'au chapitre 15. Alors, la Bible déclare dans 1 Chronique que David tint conseil avec tous les chefs et les responsables en Israël. Et la Bible déclare que la chose parut bonne. Donc, ce n'est pas une seule personne, mais avec une autre personne qui était d'accord. C'est toute l'assemblée qui était d'accord. La Bible déclare que la chose parut bonne à tout le monde. Ils sont montés aller à Kijon Jaïb pour aller prendre l'âge de l'Éternel. La Bible déclare que David a fait raboter les chariots, les plus beaux chariots pour aller porter l'âge de l'Éternel. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont effectivement allés. Remarquez tellement que tout est réussi parce que tout le monde est d'accord. Ils ont fait le chariot. Ils sont avancés. Ils ont pris l'âge de l'Éternel. Ils ont mis là-dedans. Jusque là, tout réussi. C'est. Ils sont arrivés quelque part. L'âge là, le chariot avec le roue, c'est monté quelque part. L'âge a bougé dedans comme si ça voulait tomber. Quelqu'un qu'on appelait Uza a tendu les mains pour arrêter que ça ne brûle pas. Le feu est sorti là-bas, boum, ça l'a brûlé. David a fait comme ça. Il était devant, il dansait que Ouassé, l'éternel. Quand il a vu la mort de quelqu'un, il a fait comme ça là, que ça ne passe pas vers moi. Je pose la question. Pourquoi Dieu a tué quelqu'un alors qu'il voulait protéger l'âge de Dieu? Pourquoi? Souvenez-vous, David, c'est l'homme selon le cœur de... Il a appelé les anciens d'Israël. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est normal que l'âge de l'Éternel soit là-bas? Ils ont dit non. Montons à les chercher. Ils ont rapporté une bonne chose qui brille pour dire Dieu est un grand Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi de petit pour Dieu. Pas vrai? Tout était bon, non? Pourquoi Dieu a tué quelqu'un? Pourtant, celui-là n'a pas fait quelque chose de mal. Ça voulait tomber, pas vrai? Tant que je vais tomber, on va soutenir. Mais il a poussé la main là-bas. Le feu est sorti, c'est ce qui voulait tomber pour le frapper, pour qu'il meure. Je pose la question. Pourquoi Dieu l'a fait? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Si vous lisez le livre de Moïse, vous allez voir que Dieu avait ordonné que chaque fois que l'âge de l'Éternel devait être porté, quatre Lévites devaient le porter sur leur épaule. David n'avait pas fait selon la parole de Dieu. Il a ajouté quelque chose. Dieu a frappé quelqu'un. Oui. Oh, ce que vous devez comprendre, c'est que tout réussissait. Donc, quand tout réussit, ça ne veut pas dire que Dieu est là. Prenez par exemple le livre de Jérémie au chapitre 44 et lisez quand Jérémie venait prophétiser que Nebuchadnezzar venait détruire la terre. Les gens ont commencé à dire que non, ton Dieu là, avait détruit Dieu là. Nous servions la reine du ciel ici, nous avions notre pain, la pluie, tout était là. Il dit que chaque fois qu'on sait en éternel, là, il y a toujours des problèmes. Donc il dit clairement qu'il servait la reine du ciel. Et vous savez que la reine du ciel, c'est ce que les catholiques appellent Marie aujourd'hui. Alors ils peuvent avoir la richesse. Mais cette richesse ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi et ne font suivre d'aucun chagrin. Quand la Bible dit que c'est sa bénédiction qui enrichit, il veut dire qu'il y a une autre bénédiction qui n'enrichit pas et donc il y a le problème derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc mon cher frère, si on va dans ce lancer-là, si deux personnes s'accordent sur la terre, c'est pour ça qu'il pose la question dès le départ, à qui Jésus-Christ s'adresse-t-il? Il s'adresse à ses disciples. Parce que ses disciples sont dans un seul esprit. Et alors maintenant, je peux aller dans la Bible et montrer plusieurs endroits où les disciples ont été en accord et instantanément, Dieu a répondu. Lisez Actes des Apôtres chapitre 4. Pierre et Jean, on les a pris, allez fouetter, dit qu'on vous interdit de parler de ces noms-là. La Bible déclare qu'ils sont rentrés vers les leurs, montrer le dos comment on les a fouettés. Ils ont élevé tous ensemble la voix, ils ont prié. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta part la bouche de son prophète David, pourquoi se timide parmi le peuple? En effet, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre ton saint serviteur que tu as en Jésus-Christ pour établir et faire ce que ta main et ton conseil avaient fait d'avance. Maintenant, Seigneur, voici ce qu'ils disent. Maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs. Écoutez bien. Maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. On dit que lorsqu'il priait, le lieu où ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah non, oh, vous parlez de l'Église. Donc, quand on est en accord, si quelqu'un est en accord avec l'Esprit de Dieu, ils prieront selon la volonté du Seigneur, pas selon les désirs charnels, mondains, pour les satisfactions des passions de la chair. Alors, Jacques, chapitre 4, dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans l'optique de satisfaire vos passions. Non, on n'est pas là. Ce que Jésus dit, c'est des choses spirituelles. D'accord? Donc, si on est en accord, c'est pour demander des choses spirituelles pour le royaume, pour l'avancement du royaume. Et ça marchera toujours, toujours. Mais il faut d'abord, dès le départ, qu'on soit en accord. Toi et moi, si on se lève là, comme ça, là, on va prier. Tu dis que, frère, prions pour que l'Esprit de Dieu remplisse l'église. Pendant que ça n'est prié, tu dis que le gars, c'est comment il bavarde trop comme ça, c'est le coup, gars, il dérange. Ça, c'est pendant qu'on est prié, tu es dans ta pensée comme ça, que le coup, gars, il dérange. Qui a même fait venir, qui vient ici? Ils sont même doux, c'est le coup, gars, si. On est en même accord. quand il veut finir, il veut dire amen, tu vas aussi dire quoi? Amen. On n'est pas de même accord. Or, la Bible déclare quand les disciples se réunissaient, tous, quand une personne souffrait, tout le monde souffrait. C'est la réalité aujourd'hui. C'est arrêté dans l'église aujourd'hui, frère. Quand le pasteur a son argent, il va vous dire qu'il a l'argent. Quand ça manque, il vous matraque, donnez. Si vous ne donnez pas, vous êtes maudit, vous êtes pas vrai. Quand ça vient dans sa poche, il vous donne pour il a donné quelque chose chez quelqu'un aussi. Voilà, là. Après, vous allez prions tous ensemble, vous bavardez. Dis à ton voisin, c'est le bavardage. Pas la prière. Autre question? Il y a tant de questions avant d'avancer. Ou bien vous allez être fatigué. Jusque là, on se comprend. J'attends les questions, frère. Ne soyez pas frustré. J'attends les questions. Frère, merci pour ces deux questions-là, d'accord? Des bonnes questions. Des questions pas ici. S'il n'y a pas de questions, moi, je balance les questions. Des questions? Ou bien on continue? Vous voulez constamment qu'on continue? Ou bien on continue dans le développement qu'on a eu aujourd'hui? Oui, je vais un peu... quelque chose. Depuis on a commencé, je crois qu'on est en train d'aller pas à pas. Et c'est pour chacun de voir là où il s'est tenu. Parce que, comme le frère disait tantôt, s'il y a le feu qui est en train de vouloir brûler, on va chercher à se sauver là. Donc c'est le temps que s'il y a quelqu'un à quelque chose, il faut qu'il parle librement. Parce que ce jour-là, il n'y a pas de personne qui va se tenir. Donc, c'est ça que je voulais. Amen. Donc, ce que le frère de Lula dit, c'est que restons d'abord cela et que chacun vérifie son sort. Alors, tout ce que nous avons entendu dès le départ, et tous ici, de façon unanime, unanimement, à lever la main pour dire que, par exemple, que j'ai déjà dit que je m'en vais aller à l'église. Vous pensez, et vous avez dit clairement que vous savez que votre conclusion là, vous partirez. Parce que vous avez ajouté à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous pensez que qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous allez encore dire cela? Eh, mes chers frères et sœurs. Ok, vous dites donc non maintenant. Comme vous avez d'abord dit, vous avez fait comment de ça? Comme vous avez d'abord dit. Comment faire pour effacer ce que vous avez déjà dit? Parce que quand tu as dit, tu avais déjà ajouté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. C'est exactement ce qu'il en est. Écoutez bien ce que la parole dit dans le livre de Jacques. La Bible déclare que mettez en parole en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, quand on écoute la parole, on doit mettre en pratique. Il dit, voici, je veux montrer celui qui est semblable à celui qui regarde dans un miroir. Regarde bien, si tu écoutes la parole et tu ne la mets pas en pratique, tu es semblable à un homme qui va dans un miroir, regarde son visage et puis va, oublie comment il vient de voir. Quand les femmes vont dans le miroir et les hommes, tu passes pour regarder si tes cheveux sont bien tressés. Si tu regardes, peut-être tu as dormi, les yeux sont rouges, bien tu as le Apollo là. Quand tu regardes dans le miroir, tu vois le Apollo dans tes yeux. Automatiquement, le premier réflexe, c'est faire quoi? Tu nettoies, pas vrai? Parce que le miroir vient de te montrer que tu as la peau sur les yeux. Si une femme vient devant le miroir et que ses cheveux ne sont pas bien dressés, quand elle voit sa première chose, elle commence à arranger ses cheveux. Parce que le miroir vient de lui montrer que ses cheveux ne sont pas bien dressés. Alors la Bible déclare que la Bible, dans le livre de Corinthiens chapitre 3, le verset 16, que la Bible c'est le miroir de l'âme. Alors quand j'ouvre la Bible, je vous présente comme ça, vous voyez votre âme comme on a vu ce soir, ça montre que notre âme a un problème. Il faut résoudre de la même façon, directement. C'est pas ça? C'est pas ça, mes frères. Ah, mais dans ce cas, à moi, à votre place, je me mettrais seulement à genoux, comment ça, demander pardon au Seigneur. Que j'ai fait quelque chose contre lui, contre sa parole, et je m'en repens ce soir, avant d'avancer, pas vrai? Inconsciemment ou consciemment, Seigneur, chacun de nous ici a ajouté, a retranché. D'autres ont fait seulement parce qu'on les a induits en erreur. D'autres ont fait, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous avons hérité cela de notre vaine façon de te servir dans la religion dite chrétienne. Mais ce soir, Père, tu nous montres par la lumière de ta parole, car ta parole est lumière, la lampe à nos pieds, pour que nous sachions comment marcher. Ce soir, tu nous montres au travers de ta parole, Père de gloire, que nous devons nous repentir. C'est pour cela, Père, que moi, prosterné et couché au devant de toi, avec toute cette assemblée, je viens au devant de toi pour invoquer ta miséricorde, afin que tu nous pardonnes nos iniquités, Seigneur, que toutes choses que nous avons faites et que nous avons ajoutées à ta parole, ô Père, que tu nous pardonnes au nom du Seigneur Jésus. Je prie, ô Dieu de gloire, que le sang de Jésus-Christ parle plus que les accusations de Satan devant toi maintenant, face à ce peuple. Et je te laisse soumettre entre tes mains, Père. Je soumets, ô Dieu de gloire, ce peuple entre tes mains, que le sang de Jésus-Christ se tient entre eux et l'accusation. Elle est purifiée entièrement dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Père parce que tu as dit si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur parce que ton peuple est pardonné, parce que nous sommes purifiés par ton sang. Merci Père que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi d'expliquer encore une petite chose. La repentance n'est pas... La repentance de la Bible, hein? La repentance de la Bible n'est pas juste l'agencement des mots, comme je viens de faire, mais il y a une action conséquente. C'est. La repentance n'est pas juste... Je vais prendre un exemple. Ce vers-ci, le père de la maison dit à sa femme que je ne vais plus voir ça sur la table, comme tel que cela. Elle dit aujourd'hui qu'elle a compris. Demain, il vient voir le vers sur la table. Elle dit, je t'avais déjà dit, ne plus faire ça, non. Oh, chérie, pardonne-moi. Elle dit qu'elle a compris, elle enlève. Le lendemain, encore, il vient me voir. Il y a un problème entre cette femme-là et les instructions. On est d'accord? Alors, lorsqu'on se répand, je dis qu'il y a une action correspondante. L'action, c'est ceci. Parce que le répandre, ça veut dire que j'ai parté dans cette direction-ci. On dit que si tu vas comme ça, tu vas tomber dans un trou. Si tu dis que, ouais, pardonne-moi, je ne savais pas qu'elle devait tomber dans un trou. Ouais, pardonne-moi, je ne savais pas qu'elle tombait dans un trou. Je suis en allé où? Donc, la vraie répandre, c'est que, pardonne-moi, je ne savais pas qu'elle soit dans un trou et j'ai fait quoi? J'ai fait demi-tour, c'est ça la repentance. Donc, il y a le regret et l'action. D'accord? C'est ça la repentance. Donc, quand on se repent, on décide de ne plus faire ce qu'on faisait. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, repentance, ça veut dire, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Et puis, demain, tu vas faire la même chose. Jamais. La repentance montre, après la repentance, après avoir parlé, confessé, ce qu'on fait là, c'est la confession. C'est le changement, c'est le demi-tour là, qu'on fait, qui montre l'action. Qui montre que ce que tu as dit est pris en considération. D'accord? Donc, dans Proverbe chapitre 28, verset 13, la Bible dit, si quelqu'un cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais si quelqu'un avoue et les délaisse. Vous voyez, il y a deux actions. Avouer, ça veut dire confesser et délaisser, ça veut dire abandonner. On dit donc que dans ces deux conditions, après ces deux conditions-là, il obtient miséricorde. C'est ce que la Bible enseigne. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Si nous avons confessé que Seigneur, nous faisons cela, c'est parce qu'on nous a trompés. La religion a établi que l'église est le bâtiment. Et on vient de voir la parole que ce n'est pas ça. Alors maintenant, nous sommes dans la vérité. Nous avons demandé pardon. Ça se pense que désormais, on n'y va plus. Alors la repentance va prendre effet. Alors on n'y va plus. Vous avez compris? Tu comprends, mon cher? La repentance, il y a deux volets. Avouer, c'est détourner. Avouer, c'est détourner. Et alors, on obtient la miséricorde. On est d'accord, n'est-ce pas? Vous aurez mal à faire maintenant. Alors, vous allez commencer à comprendre la parole de Jésus. Il est venu mettre la division dans des familles. Le feu entre les parents et les enfants. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire, quand tu vas prendre position pour la vérité, tu vas voir ce que ça fait de prendre position pour la vérité, alors qu'il y a une autre pensée dans la maison. Vous allez comprendre. D'accord? Y a-t-il encore des questions avant qu'on avance? Oui. Le train en main. Oui. Oui. Donc, quand je suis arrivé, vous étiez en train de parler à l'âme. Et là-bas, les mots clés que j'ai tirés, il y avait une amalgame, disons, un mélange, chose qu'on devait être plutôt éclairé oui. par rapport à la langue, donc les gestes que nous faisons, oui. là, Afrique. Je voulais un peu avoir des précisions dessus. Que normalement, le parler en langue d'homme devait être comment. Voilà. Et en tant que nordiste, il y a des études des langues. Oui. Et comme la parole de Dieu le dit, comme vous avez expliqué, que quand les apôtres avaient reçu donc le Saint-Esprit, ils étaient tous là, ils parlaient en langue et que chacun. Quand ceux-là se sont accourus pour aller les suivre, ils entendaient ce qu'ils disaient. Dans leur langue maternelle. Dans leur propre langue. Maintenant, de nos jours-ci, oui. Puisque nous cherchons à rentrer à l'église primitive, oui. Faire comme eux. Oui. Et je n'ai pas bien compris. Le préparer en langue, donc, comme la parole de Dieu le dit, comment fait-on pour restaurer cela pour que aujourd'hui, si un don parle en langue, oui. Que nous puissions également aussi les entendre. Ah, merci Seigneur, merci Miséricorde pour toutes ces questions-ci. C'est merveilleux. Je vais, avant de répondre, je vais avancer sur deux terrains. Normalement, en tant qu'apôtre de Christ, elle ne doit pas parler dans l'assemblée. C'est la Bible. Il dit bien, non. Vous me regardez comme ça, vous êtes dirigeant. C'est pas moi qui ai dit. Il dit normalement, elle ne doit pas parler à l'assemblée. La Bible est claire que si elle s'instruit, elle s'instruit à son mari. C'est ça, non? Donc. Que le Seigneur nous pardonne. Voilà pourquoi les hommes ne doivent pas être comme des poteaux. Les hommes doivent avoir et la parole. Parce que si la Bible déclare qu'elle doit s'instruire à son mari à la maison, c'est pour que son mari doit connaître ces choses pour lui répondre. Donc vous voyez que les hommes ont des problèmes, les femmes ont des problèmes, les prédicateurs ont des problèmes. Donc il y a des problèmes partout. D'accord? Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. C'est ce que ça veut dire. Il est malséant à la femme de parler dans l'assemblée. C'est la Bible. C'est pas moi qui écris. On est d'accord, n'est-ce pas? Que Dieu nous pardonne déjà. Mais prenons cette question, allons dans l'écriture. Une chose. Elle a dit, c'est parce qu'elle est venue elle a pris en cours, comme elle a dit. D'abord, je prends l'affaire de retourner à l'église primitive. Et pourquoi on doit retourner? Si on doit retourner à la condition initiale, ça suppose qu'on a pris une autre voie. Vous êtes avec moi, je suis en train d'aller, voici Touboron. Vous avez deux frontières devant de vous. Vous prenez votre moto, vous voulez aller à la frontière avec la Centrafrique, vous commentez tellement que vous oubliez que c'est à la frontière centrafricaine que vous êtes en train d'aller. Vous prenez plutôt la frontière avec le Tchad. Vous n'êtes pas là-bas, vous vous souvenez que ah, c'est plutôt là-bas que c'est pas là-bas que je vais aller. Qu'est-ce que vous faites? On fait demi-tour pour rentrer, pour aller exactement là où on est. Jésus a mis l'église en place. L'église était en allée quelque part. On a pris une déviation à partir de 325 au conseil de Nicée. On a pris une déviation. On a dû aller à une autre direction. Le Saint-Esprit lance le cri d'alarme. Rentrer. On rentre, on prend la direction que Dieu a tracée pour l'église. D'accord? Donc, quand on parle de retour à l'église, ça veut dire, à l'église primitive, ça veut dire qu'il faut qu'on retourne en fonction comme la Bible l'a dit dans les actes des apôtres. On voit comment les apôtres ont agi et ce que Dieu a demandé qu'on agisse. D'accord, ma soeur? C'est ça le retour à l'église primitive. Autrement dit, dans ce processus de retour, on va voir qu'il y a des choses que nous avions, que nous faisons, que nous avons acceptées, qui n'étaient pas à l'original. Vous pouvez me permettre de prendre un seul exemple déjà. Par rapport à ce que je dis, il dit qu'en retournant à l'église primitive, on va constater qu'il y a des choses qu'on était en train de faire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a dit retourner. Il y a des choses qu'on était en train de pratiquer qui n'étaient pas dans la Bible primitivement. Que l'Église ne faisait pas. J'ai dit, je prends donc un seul exemple. La pratique des dîmes dans les assemblées. Tu as entendu parler que les gens ont dit que venez donner votre dîme ici, non? Écoutez bien maintenant. Donc, si vous êtes au milieu de nous, vous êtes pasteur, vous prenez les dîmes, ou bien femme de pasteur, vous mangez les dîmes à la maison, je n'ai pas de problème contre vous. J'ai le problème contre vous. Parce que la parole de Dieu a quelque chose contre vous. J'imagine que le frère a préparé Malachi chapitre 3. Bon, mais de toute façon, je suis en dire ici. Dans le processus de retour, il faut qu'on sache pourquoi on doit retourner. Et autre chose, qu'est-ce qui nous a égaré? Pourquoi on nous demande de retourner? Si on nous demande de retourner, c'est parce qu'on s'est égaré. Donc, on est en train de pratiquer des choses, on est en train de pratiquer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Je dis, je prends un seul exemple, la pratique de la dîme. Si je prends seulement cela, comme c'est de l'argent dont il est question, les pasteurs ne voudraient jamais s'en séparer. Et dans ces conditions, il ne peut pas retourner à l'église primitive. Alors, s'il prend la pratique de la dîme, je pose la question. L'église primitivement, est-ce que l'église, on prenait les dîmes? La réponse est quoi? On dit qu'il faut qu'on arrête, on se répand. C'est ça le principe. Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, les enseignements à dispenser, ce sur quoi les chrétiens sont bâtis, c'est les prophètes et apôtres du Seigneur Jésus-Christ, c'est les enseignements qu'ils ont donnés, c'est là. On a dit donc clairement, depuis aujourd'hui, qu'on n'a rien ajouté, on n'a rien retranché. Si vous lisez Actes chapitre 20, dans le verset 20, l'apôtre Paul va dire, vous savez que je n'ai pas craint de vous annoncer publiquement et dans les maisons les choses qui concernent le royaume. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans à rien cacher. Quand on dit tout le conseil, ça veut dire quoi? Tout ce qui est nécessaire. Ok. Et vous savez très bien que c'est Paul, c'est chez Paul à qui Jésus a donné le plan parfait de l'église. C'est ça, non? L'apôtre a écrit les deux tiers du Nouveau Testament. On est d'accord? Y a-t-il un seul endroit où il a donné la prescription de la dîme à l'église? Alors, si quelqu'un prend la dîme aujourd'hui, il est sur un autre fondement. Alors, si je vois un pasteur qui le dimanche dit que voici les paniers des dîmes, voici les paniers des offrandes, donnez avec joie. Il faut que ce pasteur-ci me dise qui lui a demandé de faire comme ça. Ou mieux, comment il est arrivé, franchement, ça me dépasse. Comment il a fait à ce qu'il commence à prendre les dîmes? Je ne comprends pas. Ça me dépasse, il vous dit. Alors, il faut que ce pasteur-ci, s'il prenne les dîmes, il paye sa maison avec, il faut qu'il comprenne maintenant que l'ouvrier mérite son salaire. Et la personne qui va le payer, c'est la personne qui l'a employé, pas les fidèles. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, écoutez très bien, je sais que c'est dur. Parce que c'est ici le nez de la guerre. Le nez de la guerre, c'est qu'il y a l'argent. Il faut que ce pasteur accepte maintenant de souffrir pour Christ. Dis la vérité aux fidèles que pardon, je vous demande pardon parce que toutes les fois qu'il prenait votre dîme, il n'était pas digne. Et en plus, ce n'est pas ça que la Bible appelle pas digne. Et désormais, il arrête. Ça, c'est l'une des choses. Je pense que c'est le seul cas. S'il a encore quelque chose, si les choses qu'il disait, venez à l'église, ici, venez à l'église. S'il comprend, il va encore se repentir que c'est pas ici qu'il y a l'église. Il avance. S'il y a d'autres choses encore, s'il consacrait sa femme, quand il n'était pas sa femme enseignait, la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner, il demande pardon, il dit à sa femme, maman, rentre à la maison. On continue tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Il y a tellement de choses. C'est l'église là. C'est le prix à payer pour retourner à l'église primitive. Il faut qu'on casse nos choses que nous avons mis, l'empire que nous avons bâti, pour laisser Jésus-Christ bâtir son nez. L'église. Parce que dès le départ, on a vu que c'est lui qui bâtit son l'église, c'est son l'église, et c'est lui qui bâtit. Et quand il voulait bâtir, il a choisi les apôtres qui ont placé les fondements. Quand l'apôtre Paul va placer le fondement, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, il va dire que nous sommes ouvriers avec Dieu et nous travaillons pour Dieu. Le verset 11, il va dire que j'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus, qu'il n'y a aucun autre fondement qui va être encore posé. Il n'y a plus rien à faire. Donc comme il a fait, c'est comme ça, c'était définitif, c'est parfait. Parce que une maison que vous avez, nous sommes dans une maison là maintenant. Quand on a commencé à creuser, c'est pour faire la fondation. On creuse, c'est pas, on n'a pas commencé la maison, c'est en un jour. On creuse, on met les poteaux, on met le fil. Vous voyez, n'est-ce pas? Le maçon met le fil, il met une. Après, on met des ciments, quoi, les parpaings à un certain niveau. Si ce maçon ne continue pas, l'autre maçon vient, il peut continuer ses plans, on est d'accord? Il suffit de mettre le parpaing sur les parpaings qui ont été là tracés, pas vrai? Alors, comme les apôtres ont mis la fondation, on continue seulement là-bas. Rien, souvenez-vous de cette parole encore, rien ne doit y être ajouté. Rien ne doit être retranché. D'accord? C'est dans ce processus donc, de retour à l'église primitive qu'on voit qu'il y a un problème avec ce qu'on appelle le parler en langue. Fatalement, on lit dans Actes chapitre 2 que quand les gens parlaient, ils parlaient de langue humaine parce qu'on dit clairement que comment les entendons-nous dans notre propre langue maternelle. Alors on se pose la question. C'est quelle langue maternelle? Il y a un problème. Nous avons hérité de Babylone. On a bu du vin de l'impudicité. Où me saisissez? On est clairement, ou bien vous voulez qu'on arrête déjà? Je ne suis pas contre vous. Le problème, c'est qu'on peut, on vous a trompé. Si vous faites ça, si on a fait ça, on vous a trompé parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Vous devez le considérer. En fait, notre expérience spirituelle doit passer au test de la Bible. Notre expérience spirituelle doit passer au test de la Bible. Alors, souvenez-vous de ceci. 2 Corinthiens chapitre 11 dit clairement que si on vous prêchait un autre enseignement, un autre évangile, si vous recevez un autre Jésus ou bien si vous recevez un autre esprit, donc il y a un autre évangile qu'on peut prêcher. Un autre Jésus et vous, par conséquent, vous allez recevoir un autre esprit. C'est la Bible qui nous dit. Donc, si quelqu'un avait fait comme la poule comme ça là, en tapant le corps là, c'est qu'il y a un problème. Il lui faut la délivrance. C'est la délivrance là qu'il faut. Si vous voyez le pasteur, il porte la veste avec le col blanc, il prend la micro et dit hey, shababab. Le pasteur là, il lui faut la délivrance. Il n'y a pas ça dans la Bible. En fait, dans cette procédure, processus de retour à la religion primitive, les gens qui ont beaucoup plus besoin de délivrance sont des pasteurs. Parce que c'est eux qu'on a fermés dans un enclos appelé école théologique. On a mis l'esprit là bien même quand aller distribuer. Ils sont sortis pour aller distribuer. Donc, l'heure est arrivée que les chrétiens doivent être libérés de Guantanamo chrétien. Le parler en langue, c'est l'aptitude que le Saint-Esprit donne à un être humain en qui il se trouve de s'exprimer dans un langage des personnes qui sont à l'extérieur que lui, il ne connaît pas. C'est ce que la Bible définit comme parler en langue. C'est-à-dire que moi, je suis bamiléké, j'ouvre ma bouche, je commence à parler, les boulots entendent. Pourtant, normalement, je ne connais pas le boulot. C'est pour ça qu'on parle de langue inconnue. Moi, le boulot est inconnu de moi. C'est n'est-ce pas? Vous comprenez, frère? Je vous touche comme ça. Je veux que ça réveille quelque chose. Comme ça, si vous fâchez, vous posez des questions sur les langues des anges, j'entre dans les détails maintenant pour entrer, pour creuser la plaie. J'attends seulement que quelqu'un me dise que non. Mais il y a les langues des anges, il y a les langues des anges. J'attends seulement. Ça commence à venir par ici, là, c'est bon. Si vous avez dit que de parler en langue, mm-hmm. que si les uns et les autres ne comprennent pas ce que l'autre dit. Oui. C'est que, depuis que j'ai connu, j'ai commencé à comprendre la Bible. Les personnes parlaient la Bible. Les personnes parlaient en langue. Mm-hmm. Je n'ai jamais entendu ce que. Je vous dis de là. Oui, chacun disait mm-hmm. Ce que la personne dit. Mm-hmm. Bon. Parmi nous ici, c'est que, il y a un bon nombre qui se dit qu'il y a le Saint-Esprit. Mm-hmm. Bon, c'est que vous allez délivrer tout le monde ici. C'est ça, ça me dit qu'il est en train de dire. Non, en fait, j'arrive quelque part. Qui a déjà compris ce que l'autre est en train de dire? Non, j'arrive quelque part, on va toucher quelque part. J'arrive quelque part. Quand on parle de délivrance, écoutez bien, regardez bien que la parole dit, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. D'accord? Quand on dit délivrance, ça veut pas dire qu'on peut chasser un esprit comme ça pour délivrer. On peut être en erreur sans être possédé de l'esprit. Parce que cette erreur s'y provient du fait que j'étais mal enseigné. Tu comprends la différence? Ok, maintenant, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit en lui sans parler en langue, jamais. Écoutez encore ceci. Quand tu as le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas parler en langue. Parce que la langue est une manifestation. On dit qu'à chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. À celui-ci est donné le don de paroles de connaissance. À l'autre, la parole de connaissance, parole de sagesse. À l'autre, la parole de ceci. À l'autre, la langue. À l'autre, l'interprétation. Donc, on dit un seul et même esprit donne à chacun, l'aide dispose à chacun en particulier, comme il le veut. Maintenant, les pentecôtistes, c'est que tu parles en langue. Non, je ne parle pas en langue. C'est que tu n'as pas baptisé. Viens ici. Comment ouvrir ta bouche? Vous voyez, il y a un problème ici. J'ai dit encore, je comprends mes frères les pasteurs. Ce n'est pas eux le problème, c'est parce que dès le départ, on a hérité ça quelque part. Si quelqu'un observait la Bible, il verrait qu'il n'y a pas de telles choses dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Or, sa Bible dit que c'est un seul et même esprit qui fait ces choses, le distribue à chacun en particulier comme il le veut, pas comme le pasteur veut. Alors, la chose, il me pose la question, comment faire donc pour, on commence à entendre? Ce n'est pas une œuvre humaine. Souvenons-nous, c'est Jésus qui bâtit son église. Quand les apôtres sont restés dans Actes chapitre 2, ce n'est pas eux qui ont décidé de parler en langue. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas eux qui ont décidé de parler en langue. On dit que tout à coup, ils viennent du ciel. Le Saint-Esprit entre en action. Ils se sont levés, commencent à parler. Ce n'est pas eux qui ont voulu. Et les gens qui ont accouru pour venir, ce n'est pas eux qui ont décidé d'entendre. Ils ont commencé à entendre tout simplement. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait la chose. D'accord? Je recommence encore ceci. Être possédé d'un esprit est différent du fait que je suis en captivité. Il prend un exemple. Un pasteur qui lui dit que venez ici à l'église. Le pasteur ne sait pas tout simplement que l'église, ce n'est pas un lieu. À l'instant où tu lui dis que l'église, ce n'est pas un lieu, pasteur, ce sont les corps. Donc, tu n'as pas le droit de dire que venez ici à l'église. Le pasteur là est délivré. Vous savez, n'est-ce pas? Le pasteur est délivré, mais ce n'est pas un esprit. C'est l'ignorance qui a amené la captivité. Tu me saisis? Donc, effectivement, parmi vous ici, il peut y avoir des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui sont trompés. Je veux que vous me saisissez. Je peux aller dans la Bible, vous les montrer. Je vais prendre un cas dans la Bible pour vous saisissez. Parce que chaque fois, il faut que je me trouve dans la Bible, d'accord? Si vous lisez votre livre de Galates, particulièrement à partir du chapitre 3. Notez cela, je vais seulement citer ce qui est écrit là-bas. Je vais lire, je vais citer ce qui est écrit là-bas pour que vous voyez. Donc, dans le livre de Galates au chapitre 3, l'apôtre Paul commence à dire, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Est-ce que vous entendez cela? Donc, qui vous a donné la sorcellerie? Il dit, vous, aux yeux de qui Christ a-t-il été peint comme crucifié? Après, il donne le réponse. Non, il ne faut pas que le téléphone sonne là. Après, il dit, après avoir commencé par l'esprit, voudrez-vous achever donc par la chair? Qu'est-ce qui s'est passé en Galatie donc? L'apôtre Paul était venu prêcher l'évangile. Ceux-là ont reçu l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Après, il est parti. Les gens sont venus de leur donner un faux enseignement. Que même quand vous avez l'esprit là-bas, il faut que vous fassiez circoncis et respecter la loi de Moïse. Et les gens commencent à être troublés. C'est pour ça qu'il les écrivait, il dit, mais l'enseignement là vous a ensorcelé. Si tu comprends. Donc l'enseignement a créé le problème. Or, ces gens-là avaient l'esprit. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, donc ça veut dire que ceux-ci avaient l'esprit au commencement. Mais par suite du fait qu'ils ont accepté un faux enseignement, ça les a embrouillés. L'apôtre appelle ça donc la sorcellerie. Tu me suis? Au chapitre 4, verset 16, il dit que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Donc quand il disait que ça choquait les gens, comment tu peux des choses comme ça pour mais peut-être disait la vérité? Donc c'est pour ça qu'il dit que quelqu'un peut avoir l'esprit et être dans l'erreur. Pas qu'il est possédé. Quand il parle de délivrance, ça suppose qu'il faut qu'il vienne à la connaissance de la vérité. Parce que la Bible dit que quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. D'accord? Bien que alors il y a parmi nous, alors surtout les femmes, alors quand tu en dis, il faut seulement chasser là. Là, c'est l'esprit vrai qu'il faut chasser. C'est les femmes qui dérangent beaucoup plus dans les assemblées comme ça là. Alors, il y a une seule chose à faire, ma chère soeur. Tout à l'heure, vous allez demander pardon parce qu'on nous avons ajouté. Je pose une question. Un pasteur qui a tordu la Bible, qui vend les choses dans l'assemblée, qui couche avec les femmes, et qui prend son micro et fait bababababa, on dit qu'il est parlé en langue, qui parle en langue. Après, il met la main sur toi et dit, prie que tu parles en langue. C'est le Saint-Esprit vraiment que tu reçois? C'est le Saint-Esprit? Ah, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure là que on dit que prie, que prie, ouvre ta bouche, commence à parler. Il y a des soirées même pour le Saint-Esprit. Vous allez prier n'importe comment, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas de cette façon que ça vient. C'est pour ça qu'il pose la question ici que comment est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui le fait venir? Je crois qu'il faut répondre à ces questions rapidement. Je crois qu'il faut qu'on réponde à ces questions. La question est fatale. Comment faire que le Saint-Esprit vienne sur la scène? On est d'accord? Il faut qu'on réponde à ces questions. Et cette réponse doit se retrouver dans la Bible. Vous voulez qu'on examine la Bible avec ça? J'espère que quand vous me regardez comme ça, vous n'allez pas dire que demain rentrer à Douala. Vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez pas dire ça, n'est-ce pas? Non. Il faut qu'on passe du temps parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut qu'on creuse. C'est tellement. Parce que souvenez-vous, regardez la carte du Cameroun. Vous êtes ici à l'extrême. Si Dieu a permis qu'on prêche ici, ce n'est pas seulement ici, ça se trouve dans le monde entier. Dieu vous connaît comme ses enfants. Il veut seulement rétablir les gens dans le corps. Souvenez-nous, le corps de Christ, c'est les gens que Christ a sauvés. Il se trouve donc partout, y compris vous. D'accord? Donc si vous êtes de la vérité, vous allez comprendre cette vérité et vous allez seulement vous rejoindre à la parole. Parce qu'on ne vous pousse pas à venir à Douala nous suivre, jamais. Après avoir parlé ainsi, nous allons rentrer à Douala, vous allez rester avec votre Bible. Quand tu vas voir ta bouche, tu vas vous la dire, le Saint-Esprit va te dire que Acte chapitre 2 ne dit pas ça. Alors tu auras la bouche fermée. Donc, je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ pour vous dire de regarder à la Bible de la bonne manière. Pour que toutes les pensées qui étaient amenées captives soient brisées au nom du Seigneur. Pour renverser toutes les forteresses sur lesquelles ces forteresses de captivité de religion, ça s'est renversé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, la liberté de Christ. Vous allez voir. Observez seulement. Donc répondons à la question, comment le Saint-Esprit... Qu'est-ce qui amène le Saint-Esprit? Vrai, là maintenant, on a des problèmes ce soir, si vraiment. Mais Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui peut faire toutes choses. Vous pouvez me donner votre attention une seule minute. Vous pouvez me donner votre attention une seule minute. Et je vous aime déjà d'entrée. Vous aussi, vous m'aimez, n'est-ce pas? Dites amen seulement jusqu'à la fin là maintenant. Observez. Qui ici est chrétien? Si quelqu'un est chrétien, qui vient se tenir ici? Je vais avancer ce qu'il veut dire. Tu as bien compris la question. Si quelqu'un parmi nous ici il dit qu'il est chrétien, qui se tient là-bas, je vais poser la question. Ce n'est pas pour nous prendre au piège. Je prends les exemples comme ça pour que nous comprenions. Après avoir pris l'exemple, on va aller dans la Bible voir ce qu'il en est et on va voir le problème qu'il y a au milieu chrétien. C'est pour cela. Ce n'est pas pour me moquer. Non, loin de moi cette idée. Ce n'est pas pour me moquer parce qu'on ne fait pas l'effort pour ces choses-ci. Ce n'est pas la grâce du Seigneur. D'accord? Le Bible qui pose la question, c'est que je vais confronter l'expérience à la Bible. D'accord? C'est l'expérience à la Bible. quelqu'un qui se dit chrétien vient se tenir. À moins que vous me dites qu'il n'y a pas de chrétien dans cette salle. Parce que personne ne se lève, donc personne n'est chrétien ici. Ou bien quelqu'un te dit seulement que l'autre part. Voilà, maintenant, c'est le papa de la maison qui est devenu le vrai chrétien. Maintenant, on va passer. Vous savez, quand vous passez à l'aéroport, là, on y a un appareil qu'on passe sur ton. S'il y a le fait quelque part, ça fait tit tit tit, n'est-ce pas? Si vous entendez tit tit tit tit, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais faire comme ça avec la parole. Tit tit tit tit, d'accord? On va faire comme ça là. Si la parole fait tit tit tit quelque part, c'est qu'il y a un problème. Donc, quand il dit qu'il va passer la parole, ça veut dire que je vais examiner ceci, sa chrétienté avec la Bible. Et ce que je suis en train de faire avec lui, je suis en train de faire la même chose avec moi. Et par conséquent, avec chacun de nous ici. D'accord? Ok. Papa, tu as accepté que tu es chrétien, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu es devenu chrétien? Je suis devenu soit chrétien, bon, lorsque on est venu sur une chrétien par la parole. Oui. Bon, quelqu'un est venu te rencontrer, il a parlé de la parole. Oui. Comment tu as fait pour savoir que tu es devenu chrétien? C'est-à-dire, quel est le mécanisme? Comment tu as fait pour devenir chrétien? Donc, quand cette personne-là avait sa Bible, tu étais de l'autre côté, tu es d'accord maintenant que tu n'étais pas un chrétien, n'est-ce pas? La personne est venue t'expliquer les Écritures. Mm-hmm. Donc, comment tu es quitté de l'état de païen à l'état de chrétien? Parce que c'est une question qu'on va répondre. Comment fait venir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui le fait venir? Parce que c'est ici le vrai problème, d'accord? Mm-hmm. Comment tu es devenu chrétien, papa? Bon, quand on m'a parlé de la parole de Dieu, il dit que je l'ai accepté, on m'a dit, quand tu te répands, tu... Confesse. Tu t'es fait baptiser. Oui. Voilà. Oui. Donc quand tu as dit j'accepte le Seigneur. Mm-hmm. Ou bien on l'a prêché, tu as dit que oui, c'est vrai. Mm-hmm. On allait te baptiser. C'est tout. Mm-hmm. C'est tout. Ok. Va t'asseoir beaucoup. Qui est chrétien ici? Frère, viens frère. Passons le frère au scanner. Frère, comment es-tu devenu chrétien? Dès le début, c'est en suivant mes parents. Oui. Et après ceci. Oui. Donc en suivant les parents, un temps on t'a tiré seulement. Ça c'est le suivi. Quand j'étais petit. Ok, donc ça c'est l'entraînement. D'accord, ça vous le dites. Dans les paroles, on a accepté Christ. Voilà, c'est le mot là qui veut changer. C'est ce que j'en ai cherché. Accepter Christ, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dis par accepter Christ? C'est ça le problème. Ils ont répandu de leurs péchés. Oui. Et ensuite, on les a baptisés. Uh-huh. Et alors, ils sont devenus chrétiens. Ils sont devenus chrétiens. Ça c'est eux maintenant, pas toi. C'est eux. Oui. Et moi, à mon âge, à 17 ans. Oui. J'ai suivi les enseignements. Oui. C'est-à-dire chez nous, on parle de cours pour le disciple, là, pour être disciple. Ah, pour être disciple. Oui. On m'a baptisé. Mm-hmm. C'est de là donc. Tu t'as baptisé comment? On t'a plongé? Non. C'est grave encore, c'est grave. Ouais, il y a un problème. Je vous explique alors. Oui, oui. On m'a baptisé. Oui. Par aspersion. Oui, encore vu, non? Donc, tout à l'heure, nous avons le problème qu'on ne dit pas baptisé par aspersion. Donc, l'un de nous dit qu'on l'a immergé en l'aspergeant. Oui, avant c'est moi, on comprend. D'accord, c'est de là donc je suis devenu chrétien et membre de communion. Bon. Et tu peux communier de là. Je vais encore avancer le mot église. Donc membre de communion de l'église. Mm-hmm. Donc, bon, ok maintenant. Déjà tu es assis ici depuis 16h30 aujourd'hui, on en a déjà parlé. Mm-hmm. Avec ton expérience, et est-ce qu'on a dit les petites choses que tu as vues là, est-ce que vrai là, honnêtement, tu es chrétien? Non, sinon ce qui vient de suivre, ça veut dire non. Ah, voilà, viens t'asseoir le frère. Bon, le frère est honnête, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons vu ici, en parlant de ces cas-là, ils ne savaient pas comme nous, il y avait quelqu'un qui peut-être s'est baptisé par aspersion. Je n'ai pas encore parlé du cas de papa, d'accord? N'ayez pas peur de confronter la vérité. Vous savez, c'est les bandits. S'il n'y a pas la lumière, si quelqu'un a dévoilé quelque part, si on allume la lumière, propre, il va détaler. Parce que son œuvre est mauvaise. La Bible déclare, c'est Jésus qui dit, que quand quelqu'un fait une œuvre mauvaise, il n'aime pas la lumière. Est-ce que vous comprenez? Il dit tout ce qui est vérité se manifeste à la lumière, vient à la lumière pour qu'on on voit. Pas vrai? Donc nous sommes en train de regarder ce moment. Donc, à partir d'ici, le frère sait clairement d'après la Bible qu'il n'est pas chrétien. Or, il est là-dedans depuis, malgré qu'il est depuis enfant. Il suivait ses parents. Vous voyez, n'est-ce pas? Allez, on a versé le sur la tête. Vous savez très bien que la Bible parle de plonger dans l'eau. Donc cet élément-là montre bien clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. On est d'accord? Donc, il faut qu'on corrige ceci. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé ici. Je recommence encore. Je veux des chrétiens ici. Pourquoi on avance? Avant, on veut toucher plus au cœur, papa. Chrétien. Les chrétiens sont rares à tout bourreau. Avancez, c'est pas pour parler. Le problème de ce frère, si ça s'élève, il ne parlait pas comme ça, on ne peut pas savoir comment résoudre son problème. Si vous allez sur un médecin, vous asseyez là-bas, il prend son blanc, il met le truc pour les tensions, il met sur lui. Il dit, madame, quel est votre problème? qu'est-ce qu'il va me donner? Il peut te prescrire le diadème une fois. Pas vrai? Il te prescrit une fois le arata. Prenez le arata d'un autre. Tu peux prendre comme ça, ça a fini ton problème. Donc, avançons-nous. C'est papa qui a mis le cercle ici. Celui qui est chrétien vient ici. On parle. Il nous dit comment il est devenu chrétien. Tout ce qu'on va faire, c'est vous et moi, nous avons la Bible. S'il dit quelque chose qui est faux, vous allez savoir parce que c'est dans la Bible. Alors, je vais commencer à vous montrer maintenant exactement comment est-ce qu'on devient chrétien. Alors, chacun doit savoir à quoi s'en tenir. Vous allez voir maintenant que plusieurs personnes ne sont pas chrétiens. Plusieurs. Alors, et Baptiste, pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Un aveugle peut-il conduire un? Si le pasteur lui-même est aveugle, les fidèles vont où? C'est grave, je vous dis, c'est grave. On va voir la Bible maintenant. Quelqu'un qui est chrétien vient là-bas. Frère, comme ça, avec la veste comme ça, tu ne veux pas avoir, tu ne veux pas partir. Voilà, merci. Bonsoir, ma soeur. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Comment sais-tu que tu es chrétien? On a prêché la parole. J'ai accepté. Ouais, encore le mot vient, n'est-ce pas? J'ai accepté. C'est ici la clé. Dis-moi comment tu as accepté. On a prêché quoi et tu as accepté quoi? La parole. Donc, on a prêché la parole, on a dit que Moïse a fait ceci ou bien quoi que ce soit, on a dit quelque chose et tu as accepté. Tu as dit que oui. Après, accepter, ça veut dire que. Dis oui à ce qu'on a dit, pas vrai? Frère, la fondation, le problème, tout le problème que nous avons fait pour aller à l'église primitive, la fondation, c'est la fondation que vous en avez touché. D'accord? Pour qu'on ne se trompe pas. Alors, tu as accepté et tu es devenu chrétien, c'est ça? Non. Tu as accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es repenti, oui. Après, on t'a baptisé. Et alors maintenant, c'est que tu es devenu créé? Chrétien. Même situation. Alors, merci. La sœur est courageuse. Chrétien. Alors, ok, maintenant, si vous ne voulez pas avancer, avançons, résolvons le problème, n'est-ce pas? Les gens sortent, par exemple, ils sortent ma Bible, je vais dans une maison, comme les témoins du bas fond là. Fait pam, pam, pam. Ils ouvrent la porte. On s'assoit, on commence à parler. Ils commencent à parler de la Bible, n'est-ce pas? Toi, tu n'es pas encore chrétien. Moi, je suis en train de prêcher la Bible. Comment faire pour que la personne qui est devant moi devienne chrétien? C'est ici le problème. Le problème de l'église va de là. Est-ce que vous me saisissez? C'est-à-dire que je trouve quelqu'un en route, je viens par exemple sur celui-ci, il s'assoit, il me donne la chaise, voici ma Bible. Lui ne connaît pas la Bible, il n'est jamais devenu chrétien. Comment est-ce que moi, qui ai la Bible, fais à ce que celui-ci devienne chrétien? C'est le problème de l'église ici. Il dit, c'est pour répondre à la question, comment faire que le Saint-Esprit vient? Parce que si la fondation n'est pas la Bible, il ne viendra pas. Alors, on ferait mieux de voir là où le problème se trouve. D'accord? Alors, répondez-moi donc. Comment faire donc pour que la personne qui est chrétienne, qui n'est pas chrétienne, devienne chrétienne? Comment est-ce qu'on fait? Ou mieux, comment est-ce que vous savez qu'on fait? Comment est-ce que normalement on fait? Vous avez déjà évangélisé au moins, non? Vous avez des pasteurs prêchés, non? Vous avez des pasteurs... Je vais prendre un exemple. Si je me trompe dans cet exemple-là, vous me dites, d'accord? Quand on va dans une assemblée, les gens s'asseyent. Les pasteurs finissent de prêcher. Après, ils disent que si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, que c'est qui se lève. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Il se lève. Si tu as invité quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie, tu tapes. Lève-toi, on ne te parle de toi, lève-toi. Pas vrai? Pour que la personne se lève pour faire quoi? Pour donner sa vie à Jésus. Maintenant, expliquez-moi bibliquement comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas de vie donne sa vie à Jésus. Nous sommes d'accord que si quelqu'un n'est pas en Christ, il est mort, non? Alors maintenant, là, cette personne, si on dit que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et on dit clairement qu'il est d'abord mort, s'il n'a pas Christ, parce que c'est Christ qui lui rend la vie. On dit donc que s'il n'est pas encore né de nouveau, bien donné sa vie à Jésus, qui se lève? La personne se lève. Le pasteur veut comme ça le faire quoi? Pour qu'il devienne chrétien. Il dit avancez à l'autre, avancez, n'ayez pas honte, les gens s'avancent. On dit que à Genève, je suis en train de vous raconter une histoire pour que vous voyez comment les gens ont fait devenir les gens chrétiens, et puis on va aller dans la Bible voir comment les gens deviennent chrétiens. Ici, c'est la Bible face à la religion. C'est ce que je expliquer. C'est la Bible face à la religion. Alors, le pasteur se met là-bas, on prie. On dit que si tu demandes pardon à Dieu, après dit, ouvre la bouche, prie après moi. Pas vrai? Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. C'est pas ça? Viens dans mon cœur. Je t'assure comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est pas ça? C'est ça. Si on t'a fait ça, on t'a trompé. Ça ne se trouve pas dans la Bible. ça ne se trouvera pas. C'est pour cela que je disais que les écoles bibliques, c'est un vrai problème. Les écoles bibliques, là on forme les pasteurs pour qu'ils sortent pour aller former. C'est un problème. Parce que ça, d'abord, même l'école biblique ne se trouve pas dans la Bible. Donc, dis à ton voisin, l'école biblique n'est pas biblique. Dis encore à quelqu'un que l'école biblique n'est pas biblique. Voilà. Remarquez qu'il n'y a personne dans la Bible qui a été formé pour que, par les hommes pour qu'on le lâche. D'accord? C'est Dieu qui choisit quelqu'un. Il lui donne la formation comme il veut, selon les circonstances. Le moment arrivé, Dieu l'envoie comme il veut. D'accord? D'accord, mes frères? Je recommence encore. En fait, si quelqu'un ici est un pasteur, est un conducteur, et que tu as fait l'école biblique, tu as un premier problème. Il faut qu'on te nettoie de ce qu'on t'a enseigné là-bas. C'est d'abord la première chose. Il faut d'abord ça. Alors, il faut assez pasteur, c'est ce que j'appelle donc la délivrance. Prenez les catholiques. Tu vas prendre un catholique, il veut manger, il fait comme ça là. Le réflexe, c'est comme ça, pas vrai? Même s'il fait ta face à prier. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait mon signe de croix. Qui lui a pris? Un prêtre. Qui a pris au prêtre au séminaire? Qui a pris au prêtre? Vous avez vu, non? Donc, c'est une succession de faussetés. Et la conséquence, ça tombe sur les êtres humains pour qui Christ est mort. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Même chose, donc ça, c'est chez les catholiques. Même chose, donc, chez les pentecôtistes et tous les autres. Chaque religion va vouloir ouvrir sa propre école pour former ses propres pasteurs, donner leurs propres doctrines selon eux là-bas. Pourtant, la Bible est identique depuis l'éternité. On a vu aujourd'hui, psaume 119, verset 89, n'est-ce pas? Ok. Alors, qu'est-ce qui a poussé ces pasteurs à dire, si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ ici, qu'il vienne, qu'il s'élève? Comment peut justifier ça? Il n'y a pas ça dans la Bible. Comment quelqu'un qui est mort peut donner sa vie à Jésus? Comment est-ce qu'on devient chrétien dans la Bible? D'accord? Est-ce que vous voyez derrière qu'il y a un problème? Ok. Mes frères, mes soeurs, est-ce que vous voyez qu'il y a un problème? Je vais d'abord vous montrer le problème avant de vous donner la solution. Si vous trouvez quelqu'un, on dit que donne ta vie à Jésus. À l'instant où tu dis donne ta vie à Jésus, ce n'est pas biblique parce que quelqu'un ne peut pas donner sa vie à Jésus. Papa me regarde comme ça que c'est fort. Ce n'est pas possible de donner ta vie à... Souvenez-vous, on a corrigé seulement les choses. Tout à l'heure, nous avons dit que les gens disent que viens à l'église. On a vu que ce n'est pas biblique. D'accord? Ok. Maintenant, regardons qui donne sa vie pour qui, d'accord? Regardons dans la Bible qui est-ce qui donne sa vie. On est d'accord? Ouvrons Jean au chapitre 10. Le livre de Jean, chapitre 10. Jean au chapitre 10. Tout le monde est dans Jean chapitre 10. Je vais lire le verset 11. Vous suivez si c'est la même chose que vous lisez dans votre Bible, d'accord? Regardez Jean chapitre 10, le verset 11 seulement. Regardez. Je suis le bon berger. Qui est en train de parler? Je veux que vous répondez avec moi. Là, qui est en train de parler dans ce verset? C'est que je suis le bon berger. Voilà. Maintenant, il y a un point. Après, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je réponds à la question. Qui en a parlé? Alors, qui doit donner sa vie? Pour qui? Okay. Alors, si je te dis que Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, ça a un sens. Il y a un problème. Donne ta vie à Jésus. C'est normal donc que ça embrouille les gens que non, je veux comment? On donne comment? Parce qu'on ne sait pas comment on donne. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est à la croix, il est mort pour que les brebis aient la vie. À cause de la mort de Jésus-Christ, ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est Dieu a donné son fils. Pas les enfants ont donné quelque chose pour avoir la vie. Dieu a donné son fils. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc comment on fait pour avoir la vie éternelle? C'est ça le vrai problème. Donc on croit. Il faut seulement croire. Vous me saisissez? Même croire si, c'est encore un autre problème. Parce qu'on peut croire qu'on croit alors qu'on ne croit pas. La preuve. Un pasteur proche lui dit que non. Dieu m'a ordonné à être pasteur de faux gospel. Demain tu le vois, il part créer sa propre église. Il croyait quoi dès le départ? Vous me saisissez? C'est son intérêt. Alors, Jésus dit, Jésus donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas ses brebis qui lui donnent leur vie. Vous comprenez la différence, n'est-ce pas? C'est Jésus, notre Seigneur, qui donne sa vie. Quand quelqu'un n'est pas en Christ, il est mort. On est d'accord? Quand quelqu'un n'est pas en Christ, il est mort. Donc, tu n'as pas de vie. Tu as plutôt la mort. C'est pour ça qu'on vient vers Jésus-Christ pour avoir la vie. Vous voyez la différence? Alors, chaque prédicateur, sinon c'est pas la sinon la totalité, répète toujours cela pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé ça dans la religion. Chez les catholiques, c'est je crois en Dieu le Père, ce qui est mort, je pense que là, c'est ce qu'on appelle le credo. Les pentecôtistes ont inventé pour eux, pour faire pour que quelqu'un devienne chrétien. Il te donne ma vie aujourd'hui. On dit, mets une main dans ton cœur, il met une main sur ton cœur, il dit, lève l'autre, on lève l'autre. Vous voyez les problèmes, n'est-ce pas? Après, on va aller dans la Bible, on va prendre personne par personne qui sont devenus chrétiens, on va voir comment ils sont devenus chrétiens. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous présente comment on devient chrétien. Et le problème est réglé. On est d'accord? Alors, ce frère, c'est grave. Vous êtes d'accord avec moi que c'est grave, non? Dis à ton voisin qu'il faut qu'on bouleverse toutes choses. Souvenez-vous de l'exemple qu'on a pris. On a dit que si tu partais dans une direction, le fait qu'on dit on retourne comme ça, on va abandonner tout ce qui est là-bas de ce côté-ci pour retourner à l'endroit où on est allé. D'accord? On détache tout pour revenir. Le prix à payer pour revenir à l'église primitive, ce n'est pas facile. L'orgueil, toi, là-bas, baisser. La personnalité, on doit baisser ça. Pour que Christ prenne sa place de souverain, de chef. Il faut que ce soit ainsi. D'accord, mes frères et sœurs? Ok. Donc, il faut qu'on regarde dans la Bible comment est-ce que les gens deviennent chrétiens. C'est ça. Comment est-ce que dans la Bible, les gens deviennent chrétiens? Je vais donner les passages bibliques et je vais les citer. Vous pouvez vérifier pendant que je tiens les citer. Le premier endroit où on a annoncé, le premier endroit où on a annoncé ce qu'il fallait faire, c'est la rencontre entre Jésus et Nicodème. Jean chapitre 3. C'est dans Jean chapitre 3 qu'elle fait mention par rapport à la solution de ceux qui doivent venir dans ce corps-là. Dans ce Jean chapitre 3, la Bible déclare, ça commence par « mais ». C'est quand même bizarre qu'un verset biblique commence par « mais ». Vous avez remarqué ça dans votre Bible? Il dit bien, c'est quand même bizarre qu'un verset biblique de cette statue-là commence par « mais ». Mais. Cependant. Alors, ça veut dire que le chapitre-ci est en contraste avec certaines choses du chapitre précédent. Alors, si vous lisez comme ça, il n'y a pas le temps de rester franchement dans ces explications-ci. C'est que si vous lisez comme ça, vous voyez « mais ». Normalement, vous sans lire ce qui suit, vous devez vous arrêter sur le fait qu'on dit « mais ». Pourquoi est-ce qu'on dit « mais » Mais il y eut parmi les Juifs un homme nommé Nicodème qui va de nuit vers Jésus. On dit « mais ». Alors, si vous rentrez au chapitre 2, les 10 derniers versets, vous allez remarquer que Jésus a fait les échanges avec les pharisiens. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils parlaient de ceci, eux, ils parlaient de ceci. Jésus a finalement dit « détruisez ce temple-ci et le bâtira en 3 jours ». Ils ont commencé à comprendre que Jésus-Christ en a parlé de le bâtiment qui va détruire. Or, la Bible déclare au verset 20, là, du chapitre 2, qui parlait du temple de son corps. Jésus-Christ va parler avec les pharisiens. Les pharisiens ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Or, quand il parle avec les pharisiens, il y a un monsieur là qui écoute. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monsieur-là, c'est Nicodème. Alors, il attend dans la nuit parce que son statut, sa poste, sa personnalité ne lui permet pas d'aller vers Jésus. Pourquoi on voit que non? Voilà même le grand là qui commence à aller vers lui. C'est grave. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend la nuit. Il fait comme ça. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il dit, remarquez bien ce que Nicodème dit là-bas. Il dit que, maître, rabbi, nous savons. Comment il peut dire nous alors qu'il est seul? Vous comprenez ce qu'il a dit? Il dit nous. Non, un être même pas, il ne doit pas dire nous. Il devait dire je. Il veut parler absolument que ceci. Dans le groupe où nous sommes là-bas, quand on se réunit, on confesse que tu fais bien. Mais en public, on ne dit jamais, on ne peut pas croire. Parce qu'il était un pharisien, n'est-ce pas? Il dit nous savons. Il dit c'est une certitude, ils savent. Donc quand ils sont dans leur groupe là-bas, en réunion, ils disent mon gars, le gars là nous a dépassé. Mais quand ils sont en public, ils n'acceptent jamais ça. Ces pharisiens, ils vont balancer les choses sur Jésus, balancer les choses sur Jésus. Nicodème vient dans la nuit, il dit, confesse sa chose. Nous savons que tu es un docteur, c'est là-bas, c'est suivant. Que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il a confessé, il a fait sa part. Donc il est venu faire sa part, en disant que les autres même aussi savent cela. Jésus-Christ ne dit rien de tout ce qu'il a dit. Il a dit que, en vérité, je vous le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. C'est la première chose qu'il a lâché à la figure. C'est ce que Jésus a dit. Il lui a lâché à la figure, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ça commence à poser problème là maintenant. Voici un homme qui a peut-être 80 ans, qui enseigne des foules. Je veux que vous voyez le contexte de Jésus et le contexte de maintenant, et vous voyez comment les choses sont identiques. Jésus lui dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ça a commencé à créer pour nous dans le trouble de quelqu'un qui a enseigné. On dit que c'est un docteur, pas vrai? Il a dit, mais attends, qu'est-ce que tu viens de raconter? Comment quelqu'un qui est vieux va en connaître, va-t-il entrer dans le sang de la mère? Jésus a dit que toi qui es le docteur d'Israël, si je ne connais pas ces choses, c'est que c'est grave. Donc, si la personne qui forme les gens ne connaît pas la solution, là où il est en train de les entraîner, tous sont en train d'aller où? À la dérive. Le même contexte se trouve aujourd'hui. Alors, le problème de l'Église, c'est tout à l'heure que la fondation, c'est comment devenir créer chrétien. Nicodème était face à cette même situation. Et lui, il était un grand enseignant. Il ne connaissait pas ce que, comment on fait pour devenir chrétien. Alors, c'est ce qu'on prêche aujourd'hui. Il faut que vous naissiez de nous. Nouveau. Posez la question à ces pasteurs-là, que comment on fait pour naître de nouveau? Il va revenir à la scène que je vous ai montrée tout à l'heure. Que à ce Jésus qui donne ton cœur, je ne sais pas vrai. C'est la nouvelle essence qu'ils expliquent. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, c'est-à-dire ceci. Dieu a montré exactement ce qu'il faut faire pour entrer. Satan a embrouillé exactement ces choses-là pour que les gens croient qu'ils sont à l'intérieur et qu'ils ne sont pas. Et que le jour, quand Christ va venir enlever son église, ils sont surpris. C'est exactement la porte d'entrée dans le royaume, ça. Si quelqu'un est né de nous, il ne peut pas voir le royaume. C'est le début, pas vrai? Donc, le début d'entrée, c'est la nouvelle naissance. Donc, c'est la nouvelle naissance qu'il faut comprendre d'abord. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible appelle par nouvelle naissance? C'est ça le problème. Alors, vous dites à quelqu'un que tu es comment? Il dit non, je suis né de nouveau. Comment tu es né de nouveau? J'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ce que vous me répondrez, pas vrai? C'est pas ça qu'on a répondu ici. J'ai accepté Christ. Comment ça? J'ai donné ma vie à Jésus. Comment ça? Je me suis repenti. Comment ça? Je me suis baptisé. Comment ça? J'ai dit, Seigneur Jésus, qui te donne mon cœur, te donne mon cœur. Tu donnes ton cœur. Ton cœur, tu ne sais même pas où ton cœur se trouve. Tu l'as donné ça quand? Je l'ai invité dans mon cœur. Donc, il a quitté le ciel, il veut être dans ton cœur. Jésus qui vient entrer dans ton cœur comme ça là. Après, avec le cœur là, tu mens. Avec le cœur là, tu es en colère. Jésus est à l'intérieur. Dis à ton voisin qu'il te faut la repentance. Donc, Nicodème a un problème. Jésus commence à donner la solution. Il faut que tu naisses de nouveau. Le Coran dit que comment un homme qui est vieux peut-il naître de nouveau? Il dit que, en vérité, si un homme ne naît, jusqu'à encore continuer, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc, la nouvelle naissance veut dire quoi? Naître d'eau et d'esprit. J'ai dit, c'est Jésus notre Seigneur, c'est devant vous là. C'est Jésus qui donne la définition. Il a d'abord dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Le Coran n'a pas compris, il a avancé encore. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Donc, il y a quoi? Naître d'eau et d'esprit. Voilà. Donc, la nouvelle naissance, c'est une naissance qui vient par l'eau et par l'air. Dites-moi, quand on parle de l'eau, on devrait parler de quoi? On parle de quoi? Voilà, vous avez vu, non? Vous avez vu? Le réflexe, c'est ça. Parce que c'est ce qu'on aurait dit que c'est le baptême. Parce que la chose, c'est que je me suis baptisé. On a cru que c'est ça que la Bible a dit de parler. Il dit, c'est grave. Vous allez lire la parole là autrement. Il vous dit. C'est pas ça, mon cher. Il n'est pas le seul. Si il pose la question à chacun là, sans réagir, maintenant s'il pose, vous allez dire que non, je ne connais pas. S'il parlait individuellement, que c'est, on parle de quoi? Vous allez dire le baptême parce que vous avez vu l'eau là-bas, pas vrai? C'est ça. C'est ce qu'on a enseigné aux gens. Que naître de nouveau, c'est que tu acceptes Jésus, tu es baptisé dans l'eau et puis tu as l'esprit. C'est pas ce que la Bible a dit. Maintenant, il faut qu'on voit ce que la Bible a dit. D'accord? Nous voulons voir la nouvelle naissance. Gardons le doigt là-bas dans ces Jean chapitre 3. Gardons le doigt là-bas. Maintenant, on va prendre Ézéchiel. Le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament cette fois-ci. Si vous avez ouvert votre Bible, aidez quelqu'un à ouvrir la sienne. Ça va, mademoiselle? Ça va bien? Elle ne comprend pas. Salut-moi ici. Viens, d'accord? Viens, ta chaise ici. Toi, tu es dans Exode, là. C'est grave, hein? Vous lisez la parole ici. Si vous avez la même Bible, tu donnes seulement ta page à quelqu'un. Donc, toi, tu as la même Bible que celui-ci. Donc, tu peux lui donner ta page directement. La Bible noire. Ceux qui ont la Bible rouge ici, quand tu ouvres, tu donnes seulement la page à une autre personne. Donc, nous sommes dans Ézéchiel. Oui, je prends le temps pour que vous et moi, on soit sûr que c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Chapitre 36. Chapitre 36 d'Ézéchiel. Avec la faible lumière, là, vous parvenez à lire ici, maman. Vous parvenez à lire, à voir. La chrétienté, là, c'est grave. Mais Jésus a dû faire sa chose. Ézéchiel, chapitre 36. Je donne le verset. Ok, nous allons lire les versets 25 et 26. Souvenez-vous de ceci, avant que vous ne lisez, souvenez-vous, chaque fois qu'on avance, ne perdez pas le fil. Jésus a dit dans Jean chapitre 3 là, que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, on veut comprendre. C'est la Bible qui nous doit nous expliquer ce que veut dire naître d'eau et d'esprit. C'est ça qui va nous conduire. Donc c'est ça qu'on va chercher là-bas comme ça. D'accord? Ok. Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 et 26 disent quoi? Tu peux lire, frère? Tu as trouvé? Tu veux lire? Ok. Je répandrai sur vous un eau pure. Non, lis bien ce qui est écrit. Je répandrai sur vous une eau pure. Stoppons d'abord là-bas. Qui est en train de parler? Dans Ézéchiel, qui est en train de parler? Ou bien on lit d'abord entièrement d'abord. Pour savoir qui est en train de parler. Lisons d'abord entièrement là. Et vous serez purifié. Donc, il dit, la personne qui est en train de parler dit que je répandrai sur vous une eau pure. Et la conséquence, c'est que vous serez quoi? Purifié. Avançons. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Iniquités. C'est ça? Idoles. Ok. Cette personne-ci, la personne, parce qu'il faut qu'on identifie la personne qui a parlé. Cette personne dit que la purification, c'est elle qui va faire. C'est cette personne qui va faire, n'est-ce pas? Il dit, je vous... C'est la personne qui a parlé, dit, c'est lui qui va faire. On est d'accord? Il dit, je vous purifierai de vos péchés et je vous nettoierai de vos idoles, n'est-ce pas? Avançons. Je vous donnerai un cœur nouveau. Stoppons. Cette même personne-ci, c'est toujours elle qui va donner un cœur nouveau. On est d'accord? Après, dit... Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ha! C'est merveilleux, je vous dis, comme promesse. Cette même personne dit qu'il va mettre... Donc, il y a une chose que la personne fait de l'extérieur. Après, il y a une autre chose qu'il va faire à l'intérieur. Il dit que c'est toujours lui qui va faire. Il nettoie, il dit qu'il va d'abord verser l'eau. Vous allez être nettoyé pour que vous vous purifiez. Il enlève de vos vies les idoles. Ce que vous adorez qui n'est pas de lui. Vous voyez là, n'est-ce pas? Après, il finit ça. Il change votre cœur. Parce qu'il a dit qu'il va donner un cœur nouveau. Après, il va faire ça. Il dit qu'il va mettre son esprit. C'est pas ce qu'il écrit. Ok, avance mon cher. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. De pierre, oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Stop. Donc c'est encore cette personne qui va ôter le cœur qu'on a, le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur qui est dû à comprendre la parole de Dieu. C'est encore cette personne qui va enlever. Il va maintenant mettre un nouveau cœur qui est en chair cette fois-ci. Après, il va dire quelque chose. Continue. 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et vous pratiquiez mes lois. Vous... Ça va. Vous avez entendu, on peut identifier qui en est parlé, n'est-ce pas? Merci mon cher. Alors, comparons donc ça avec tout ce qu'on a raconté ici que les gens font. Qui va verser le pur? D'après cet Ézéchiel, ce qu'on a de lui, qui va le faire? Qui va verser l'eau? Qui va nettoyer? Qui va enlever le cœur mauvais? Qui va mettre un cœur nouveau? Qui va mettre son esprit? Qui va faire qu'on marche d'après la parole? Six choses sont nommées et tout, aucune des choses l'homme ne doit faire. Six choses sont nommées et dans aucune de ces choses-là, et la personne qui veut marcher d'après la parole de Dieu, regardez bien. Il y a Dieu ici et une personne qui veut marcher sur la parole, mais son cœur l'empêche de marcher. Sa vie l'empêche de marcher. Pas vrai? Dieu prend l'engagement que c'est lui qui va le faire. Et tout ce qu'on a cité là-bas, celui-ci n'a rien à faire là-dedans. Vous saisissez? Voici quelqu'un qui désobéit la parole de Dieu, il fume la cigarette, boit de l'alcool, couche avec les femmes passées, ainsi de suite. Pas vrai? Cette personne-ci, son problème, ce n'est pas lui, c'est son cœur. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 15 que c'est de l'intérieur que vient le mauvais désir. C'est ça, n'est-ce pas? Les soupçons, le meurtre, la zadité, ça vient de l'intérieur. C'est ça qui souille l'homme. Vrai ou faux? Ok. Ça se trouve dans ton cœur. Tu ne connais même pas là où ton cœur se trouve. Comment tu vas laver ça? La Bible déclare dans Jérémie 17 que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus toutes choses. Qui peut le connaître? D'accord? Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors, un être humain comme ça qui a un cœur à l'intérieur, comment donc faire pour que son cœur quitte de bon état, un mauvais état, un bon état? de quelqu'un qui est désobéissant à quelqu'un qui est obéissant. Comment va-t-il? Chaque fois la parole de Dieu dit par exemple que tu ne mentiras point en voyant qu'il a menti. Mais la parole de Dieu a dit que tu ne mentiras point. Dieu a dit que lui-même va donner la solution. Dieu va venir, va dire que toi péché quitte lui. Après il va dire que ton cœur, ce qui me dérange, j'enlève ça. Et même dans ceci va donner. Après il fait que son esprit entre. Désormais la personne est nouveau, commence à marcher d'après la parole de Dieu. Alléluia. Alors, dans tout ce travail-ci, cette personne-ci elle-même a fait quoi? Dans tout ce que Dieu fait là, la personne-ci a fait quoi? Ok. Maintenant, je vais donc entrer dans l'évangile. La Bible déclare donc que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Vous comprenez? Ok. La Bible dit donc, d'après ce qu'il vient de dire, la Bible dit qu'on est sauvé comment? Par sa grâce. Alors vous voyez, j'ai posé la question aujourd'hui, comment est-ce que tu es sauvé? Jésus est sauvé parce qu'il a donné ma vie à Christ. Alors tu as quelque chose que tu as fait. Si tu as fait quelque chose, ce n'est pas la grâce. Parce que la grâce veut dire une faveur que tu ne mérites pas. Vous saisissez? Ce que vient de citer là, ça se trouve dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 9. Il dit ce n'est pas par une œuvre. Afin que qu'aucun ne se glorifie. L'autre dit que non, j'ai trop prié, jeûné avant que Dieu m'a pardonné. Ça veut dire que tu as fait quelque chose en plus pour pousser Dieu à te sauver. Est-ce que vous comprenez? Une faveur que tu ne mérites pas, c'est que par exemple, que tu as composé ton. Comme on a fait l'examen là. Tu as eu 9. Normalement, c'est 10 qui veut dire passable. On a décidé, les gens se sont décidés, ils ont dit que non. Ajoutons un point à cette parce que c'est 10. C'est une faveur qu'on t'a faite. Tu ne méritais pas. Si tu composes pour mériter, alors on te donne 10 et 10. On ne dit pas qu'on t'a fait la faveur. Est-ce que vous saisissez? Quelqu'un est en prison, le chef d'État décide que, on dit grâce présidentielle, donc le président de la République signe que libérer telle personne. Normalement, on devrait la libérer. La personne reste, on dit que le président dit qu'on te libère. La personne a fait quoi pour qu'on le libère? La personne, si, qu'on a libéré, a fait quoi pour que le président la libère? Rien. C'est par acte seul de la volonté du président qui décide de libérer celui-ci. Ok, maintenant. Dans cette épisode, de la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, est-ce qu'on achète la grâce? Est-ce qu'on mérite la grâce? Est-ce qu'on fait quelque chose pour avoir la grâce? On dit, par le moyen de la foi. Donc, parce que c'est parfois qu'on est sauvé aussi. Il dit, et c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Donc, ce n'est pas vous qui décidez d'avoir la foi. C'est Dieu qui décide. Alors, donc, finalement, ça pose le problème. Quand je sors pour aller évangéliser, qui m'a envoyé aller évangéliser? Où est le problème, n'est-ce pas? Attendez-moi, c'est moi parler doucement là. Alors, si Dieu t'envoie vers quelqu'un, prenons encore notre livre. Jean chapitre 1. Je vous aime mes frères. Je vous aime. Jean chapitre 1. On va résoudre le problème ici aujourd'hui, n'est-ce pas? On va résoudre les problèmes. On est d'accord, non? Voilà. On résout le problème, n'est-ce pas? C'est fort. Jean chapitre 1. C'est le dernier des quatre évangiles. Jean chapitre 1. Il commence au verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est fait chair, en elle était la vie des hommes. Oui, n'est-ce pas? C'est elle qui, par elle que tout a été créé, rien de ce qui a été, existe n'a été créé sans elle, pas vrai? Après, on tombe au verset 11, elle commence à dire quelque chose. Verset 11, c'est là que c'est à partir du verset 11 jusqu'au 13 qui va nous intéresser. Après, il dit, elle est venue chez les siens. On dit elle, la parole. La parole s'est venue chez les siens. Quelqu'un dit Emmanuel. Quelqu'un dit Emmanuel. Jésus, c'était la parole faite chair. Et quand il était là, c'était Dieu au milieu des hommes. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc on dit, elle est venue chez les siens. La parole, quand il marchait sur la terre, c'est la parole qui a créé le monde. C'est elle qui disait dans Genèse que la terre soit. C'était lui qui était au milieu comme ça. Alors, elle est venue chez les siens. Les siens, c'est qui? Les juifs. Je ne sais pas comment c'est compliqué. C'est les questions simples. Je veux seulement savoir si ça passe. On dit, elle est venue chez les siens. Quand Jésus est venu, il était où? Chez les juifs. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Voilà. Donc, en fait, la raison, la solution, c'est qu'ils ont même crucifié, n'est-ce pas? Ceux du crucifié, ils ont préféré un bandit à la place du Seigneur, pas vrai? Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Maintenant, regardez comment ça va continuer. Je veux que vous on ait liste ici à cause des gens, chapitre 3, par rapport à la nouvelle naissance. On allait dans Ézéchiel pour voir que c'est la personne qui était en effet la nouvelle naissance. D'accord? Parce qu'on va trouver ce que c'est que l'eau. L'eau là, parce que c'est l'eau qui nous intéresse. D'accord? Ok. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On dit maintenant, mais à tous, continuez la lecture, ça le lit avec vous là maintenant dans votre verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, c'est pas fini, n'est-ce pas? À ceux qui, soulignez le mot là dans votre Bible, croit. Vous allez, on va tourner n'importe comment, on va revenir encore sur ce même mot, pas vrai? Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu. Soulignez le mot reçu dans votre Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 11. On va lire jusqu'au verset 13. Regardez. Elle est venue chez les siens. Nous sommes au verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. La Bible continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir. En fait, c'est pas, je n'ai pas fini là-bas. Regarde, je vous demande de souligner un mot là-bas. Après reçu, on a dit que à tous ceux qui croient, vous avez vu, n'est-ce pas, hein? À tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir reçu la parole et avoir cru en elle. C'est ce qui est écrit là-bas. Elle est venue chez les siens. Les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à ceux qui croient en son nom, virgule, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas encore fini. Le point n'est pas encore fini. Nous allons tomber dans l'autre verset maintenant, mais il y a un virgule. Virgule. Lesquels sont nés. Ça commence à poser le problème maintenant. Remarquez bien tout ce qui va suivre maintenant. Lesquels sont nés. Nom du. Voilà. On va avoir aller doucement. Nom du sang. C'est-à-dire que si ton père est pasteur, ta mère est pasteuse, l'enfant n'est pas un petit pasteuron. C'est-à-dire que si je suis chrétien, ma femme est chrétienne, l'enfant qu'on accouche n'est pas chrétien. Écoutez bien. Un couple chrétien n'enfante pas des chrétiens parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On devient chrétien par nouvelle naissance. Quand on dit nouvelle naissance, parce qu'il y a une ancienne naissance. L'ancienne naissance, c'est la naissance vaginale. La nouvelle naissance, elle est spirituelle. Vous savez, n'est-ce pas? La nouvelle naissance est spirituelle. La nouvelle naissance est spirituelle. Donc, ça ne dépend ni du père, ni de la mère. C'est ce qu'on a dit là-bas. Il dit, lesquels sont nés, les gens qui ont reçu, ont cru. Lesquels sont nés non du sang, hein? Donc, ça veut dire que ce n'est pas une... Non, on va dire non de quoi encore? Voilà, on commence à mettre donc les choses au point maintenant. On dit non de la volonté. Donc, ils disent non de la volonté de la chair. Qu'est-ce que c'est que la volonté de la chair? Tout à l'heure, on a pris un exemple. Je suis un pasteur. Je finis de prêcher comme ça. Je dis que qui ici n'a pas encore donné sa vie à Jésus. On a déjà vu que donner sa vie à Jésus, c'est un problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes chers amis? On a déjà dit ici que dit déjà que qui n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est un problème. Ce n'est pas biblique, n'est-ce pas? On a vu ça. Alors si je me tiens ici, je dis qui n'est pas né de nouveau. C'est déjà bon parce qu'on dit né de nouveau, pas vrai? Mais maintenant, telle personne dit que non, je ne suis pas né de nouveau.